En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 15 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Yay! L'alignement de départ en désavantage numérique pour le podcast de ce soir. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, JF Mallette. Et le numéro 75, l'animateur, le maître de cérémonie, JF Cron. Yes! Le Jésus de l'Internet. Exactement. Le Jésus de l'Internet. C'est un nom qui se promène, ouais. Ça fait un bout que ça se promène d'ailleurs, ce surnom-là. Ah, une couple d'années, je te dirais. Fait que oui, bienvenue à l'épisode. Tu le mérites. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un cette semaine pour ma fête qui a mis sur mon wall Internet Jesus, I'm always online. Puis c'est genre Jésus qui est en train de chatter. Là. Let's chat. Fait que ouais, ouais, 15e épisode de la saison, c'est un milestone pour nous. On s'est jamais rendu à plus que 15 par saison. C'est vrai, d'habitude, c'est le post-mortem, comme tu disais tantôt. Ouais. On vient pas. C'est, je sais pas, là, qu'on n'a pas de vie. On est tellement assidus, c'est malade. Ça. On est assis, l'assiduité. L'assiduité. On est là pour vous autres. On est là pour les fans. Exact. Fait qu'on va aller faire l'avant-match, parce qu'on a deux, trois petites affaires à parler, après ça, on va commencer la première période. Donc, l'avant-match. Fait que ce soir, Alex, t'es assis à la place de Dave, fait que tu vas pouvoir faire les positions du pool. OK. Comme Dave. Ah, je suis pas prêt. Non, ah, le pool, oui! Oui, oui! Ah, c'est... OK! C'est à moi, là? C'est à toi, là. Okay. J'ai d'allumer. Je fais comme Dave. C'est facile de bâcher, c'est un gars qui n'est pas là. Ouais, ben, effectivement. Ah. Écoutez, on va commencer par la top 5. Le premier, number one, number uno, Alexandre Giraud. 1962. Toujours au top. Ouais, ouais. C'est t'es dur à rejoindre, mon ami. Puis plus ça va, plus c'est tough. Là. Ouais. Il reste moins de temps. Exactement. Le numéro 2, JF Mallette. La jalousie en l'air. Ne le mentionnons pas. JF Mallette. Ouais. Good. On n'a pas prouvé qu'il n'y a pas de cheaté encore. Numéro 3, Dominique Séparant. Le numéro 4, Yann Dupuis. Puis le numéro 5, mais le gars qui n'est pas là, Dave Thibodeau. Il tient sur le top 5 pas mal, Dave. Il m'a clashé un peu parce qu'on suivait entre le 5 puis le 10, 12, tu sais, c'est quand même pas... Ouais, lui, il y a 1901 points. Toi, JF, t'es numéro 8. T'as 1885. Fait que t'as genre comme... 16 points. C'est ça, exact. Après, c'est comme... là, je faisais mes calculs dans ma tête. C'était pas assez vite. Après ça, c'est moi, Alex Galipo, 11e. J'étais à 10 points à l'arrière de Kromp. Après ça, si on descend, tabarnak que. L'autre page. Suivant. T'aurais pas Seb Brutal qui t'approche de toi aussi, qui est genre 12e ou 13e. Il est dessus dans le cul, je pense. Seb, il est 12e avec 1874. Il y a un point de moins. Il a remonté beaucoup, Seb, quand même. Ouais, il est en feu ces temps-ci. Ça l'aide. Mention d'arabe. Ouais. Parce qu'il est venu ici, pour lui donner des trucs. Jeff avait le mot de passe. Ouais, c'est ça. Fais des échanges quand tu veux, mon homme. Inside joke. Fait qu'après ça, c'est Alex Kromp, 40e. Quand même bon pour un gars qui n'a pas checké son pool une fois de l'année. Ouais, c'est ça. Il est pas bon choix. Il connaît ça. Martin, es-tu là-dedans quelque part? Mart, 49e. 1769. Il est dans le trou. Et le dernier? Le dernier. Mention honorable à toi, Eli Rodrigue. Toujours 70e. Ouais, 70e. Il faut le faire pour finir 70e. Surtout pour être steady 70e, c'est quand même bon. 1629. Compte tenu que ma blonde parle de ça. Là. Mais même pas dernière. Il y a 300 points en arrière. Il faut le faire. Bonne chance pour remonter tout ça. Tu sais que tu peux aller te loguer et faire des échanges. Right. Mais là, il est trop tard. Là. Ouais. Just saying. En avril, peut-être. Là. Ouais, c'est ça. On va en faire un. Sinon, deux petits points, en fait, là, pour avant de commencer la game. Le prochain podcast qui devait être dans deux semaines n'aura pas lieu parce que c'est le 31 mars. Et puis, la moitié de la soirée du podcast va être partie voir les Blue Jays au Stade Olympique. This is not fucking baseball! Moi, JF et mon frère, on va être là-bas. Oh! Mais pour essayer ouais, mais merci. Mais pour essayer de pas sauter de semaine, moi et JF, ça se peut qu'on en fasse un dans cette semaine-là, mais peut-être le mardi. Donc, il va y avoir peut-être une soirée du podcast express là, ouais, pour les fans. Ça va être les deux JF. C'est sûr que ça va être les deux, parce que personne d'autre peut se libérer dans la semaine. Ça va ressembler à ça. On va se forcer pour en faire un cette semaine-là quand même si on n'est pas le vendredi, on va être live probablement le mardi. Là. Puis, dernier truc, si vous écoutez, puis c'est pas encore passé, le 24 mars 2017, il y a la sortie du jeu Old Time Hockey qui va être à Arcade Montréal. Mm. Donc, le vendredi 24 mars, c'est la sortie officielle. C'est le lancement nord-américain qui se fait officiellement là-bas. Parce que c'est les premiers qui ont demandé, ben, c'est là que ça se fait. Ça puis toi, tu vas être là. Moi, je vais être là avec mon jersey des Chiefs. Ouais, peut-être que je vais être là. Alex, il va être là. Jeff, je pense pas que tu vas être là. Je pense à ton gars. Non, je suis avec mon fils, malheureusement, mais mon esprit va être avec vous. En tout cas, au moins un membre de la soirée du podcast sera sur place, mais on a fait un let's play tantôt, les trois, qui va être disponible, si c'est pas déjà fait, mardi sur... mardi sur le Facebook et le YouTube de Rétro Nouveau. Donc, on a fait un let's play du multiplayer de Old Time Hockey, parce qu'on est chanceux, je l'ai reçu d'avance le code pour l'essayer. C'est cool, donc, quand même. C'est le fun. C'est un... On a eu du plaisir. Oui. C'est différent. Ça ressemble à un jeu 94, pareil, mais c'est beaucoup plus slow, mais c'est beaucoup plus violent. Si tu penses trop à ce que tu joues présentement, ça c'est parfait pas. Quand faut tu bois. C'est un jeu en gang de boissons. C'est le fun. Tu peux faire des gros hip-check. Le monde sont knockés à terre, le sang sur la glace. C'est ça, un shoot de Jameson par but. C'est comme c'est comme s'il y avait un jeu de slap shot dans le fond. Ouais, c'est en place. C'est un peu ça. Là. Exact. Fait que c'est ça. Ça va être disponible sur Rétro Nouveau. Puis moi, je vais faire aussi sur Rétro Nouveau, sur le Facebook Live, un let's play du mode single de l'histoire dans le fond. Parce que. Oui, il y a un mode histoire dans un jeu de hockey comme ça qui n'est pas juste faire une saison. Ouais, mais c'est, pour de vrai, je n'ai pas joué, là, mais je pense que c'est ça qui ramène un petit peu de cachet. C'est ça, dans le fond, c'est comme c'est ça une équipe qui ne va pas bien, puis là, whoop, il y a de l'espoir. Parce que le tutorial est dans le jeu aussi, dans le story mode, dans le fond, dans le mode histoire. Puis ça commence, puis tu es comme une équipe sur le déclin que tu n'as jamais eu aussi bas de ratings, puis de monde qui vont à tes gains des années 70. Les gars sur le banc, il y a de la bière partout, puis il y a des botches. Puis tu peux pas te fier au tutoriel pour passer c'est quoi le gameplay. Non, right? Parce que moi, c'est ce que j'avais au départ, puis j'étais comme, ouais, c'est vraiment sloppy. T'étais déçu. Mais là, j'ai relu après, puis je lis l'histoire, puis je suis comme, OK, les gars sont chauds sur la glace, puis ils sont sloppy. Ils sont pas bien. Puis ils ont tout zéro dans les stats. Plus t'avances, plus tu redébloques les habiletés, puis tu deviens meilleur, puis ça débloque un mode pro, entre guillemets, là, après ça, pour jouer en exhibition, qu'on a fait parce qu'on avait un cheat code que JF a donné sans faire exprès. Fait que, ben, en tout cas, allez voir le let's play du multiplayer, surveillez pour mon let's play du mode single player, puis allez, pendant qu'Alex s'étouffe avec son cordon, dans le fil. Allez le 24 mars prochain, venez me voir, là, puis venez voir Alex, il est là, puis toute la gang, là, Dom va être là aussi, là, Papa Cassette, puis Ellie va être là justement avec sa potion 70 de poule. Fait que venez le niaiser. Venez prendre une bière, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnalités de hockey qui seraient là. Puis il ramène-tu un drink spécial? Il ramène le Pro Bird. Oh! Moi, c'est pas que je vois. Oh. Le Pro Bird qui avait été pour le live de la soirée du podcast, ben, sera ramené pour l'occasion. Fait que, yes. Good. Ça va être un autre beau party chez Arcade Montréal. Fait que, si vous avez l'occasion, venez nous voir. On va avoir bien du fun, on va prendre une bière, puis on va crier après Pro Bird. Yes. Fait que, je t'ai assez parlé, là. On va aller commencer. La petite promo. Belle promo. J'ai fait mes plugs. T'as fait tes plugs, on peut y aller. Là. Première période. Ok, bon, plus pour moi, Ok, est-ce qu'on évoque le résumé des matchs ou les plus et les moins? Je pense le résumé des matchs. Résumé des matchs, hein. Je vais juste là, je t'ai mis les dates. Ouais, merci, JF, mon helper, pour le contenu. Parce que je manque un petit peu de temps. Le pacing. Je fais pas. J'ai calculé que je faisais à peu près 84 épisodes de podcast par année, moi. Que moi, je produisais. Fait que c'est beaucoup. Bon. Moi, j'étais à genre 16. Ben, c'est correct. Une Josette, 15. Une chance toute chez nous. Donc, le 4 mars, Montréal contre les New York Rangers. Rangers. Radu est blessé. Blessure à la cheville. Mais malgré tout, victoire de 4-1. Je pensais qu'on t'avait pu se faire péter 4-1, on a gagné. Non, c'était une belle victoire. C'est le match que tu avais dit tout après l'autre podcast avant qu'on allait se faire péter, défaire. Ouais. Finalement, j'étais dans le champ. Premier match de Steve Ott et de Andreas Martinsson. Qui a impressionné. Avez-vous aimé? Ah, Martinsson, ben, ce match-là, il était hot. Là, c'est ça. Ouais, même les gars, à la fin de la game, ils l'ont décrit comme étant une bête. Ouais, non, c'est, ouais, écoute, ça avait une autre dimension, tout, mais après ça, dans celle-là, on peut dire qu'il était bon. Il va jouer pendant la série. Non. Il va sûrement rejouer de sa fin de la saison. 12 matchs. Ouais. On verra. Peut-être dimanche. Ensuite, le 7 mars, Montréal contre Vancouver. Une victoire de 2-1 en prolongation. T'es chanceux de la gagner, celle-là. Moi, je ne l'ai pas écouté parce que c'est dans l'Ouest. Les... On a été chanceux à gagner. J'ai écouté les 40 premières minutes, puis après ça, c'était comme bof. Les matchs dans l'Ouest. Oui, à 10h30. C'est tard. Fuck off. Ouais. Fuck off. Fuck off. Après ça, le 9 mars, Montréal contre Calgary. Une grosse défaite de 5-0. Price, ça, c'était dégueulasse. Price était malade, avait le flux, et non pas de flou, là, il y avait vraiment le flux. C'est ça qui commène, la gastro. La gastro, ça court. Vancouver, c'est Mitchell qui allait chier, puis revenait au banc. Il ouais, on a quelque là. Chose. Ouais, mais c'est comme, je pense que c'est lui qui a amené le virus dans l'avion. C'est lui qui l'avait full pin, maintenant. Ça a été la première victime, puis il allait aux toilettes, puis revenait au banc. Ah ouais, revenait au banc. Price est tombé au combat, puis je pense Byron aussi. Après, je sais pas si... après l'autre ouais, d'après. C'est comme l'effet domino. C'est comme les oreillons aussi, chez les Jets. Je sais pas qui qui a les oreillons. Minnesota. Ouais, Vancouver a été flagué là-dessus. Il y a des joueurs de Vancouver qui l'ont eu pendant le break. Shit. Le break de 5 jours, là, le bye week. Fait que c'était Montoya qui était dans les nets et ça ne s'est pas très bien passé. D'après moi, il y avait le flux. Ouais, mais Calgary était hot de ce temps-là. Ouais, ça faisait cette game année qu'il gagnait. C'était deux teams qui étaient hot. Après ça, le bon Patchio a retrouvé son ancien ami Desharnais à Edmonton le 12 mars. Victoire de 4-1. Une soirée de 3 points pour le petit Paul Byron. Yep. Et on a des faits saillants en vidéo pour celui-là. Ooh. Ouais. Ça s'en vient ici. Donc, premièrement. Le Jackstrap, t'as-tu le but? Ah non, c'est Vancouver, le but avec le Jackstrap. Quoi? J'ai pas vu ça. He scored with his beep. Comme le gars. Il a scoré ça avec la coquille. Comme le saut à la perche aux Olympiques que le gars a accroché à la barre avec sa graine. C'est ça. Après, il a scoré avec sa graine. Ici, contre Vancouver pour l'occasion. Premièrement, on a Steve Ott qui était sur le banc qui faisait des grimaces. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah ouais. On va le mettre là, ici. À qui s'adressait? Ouh. Il me laisse de mon gars. C'est surprenant, mais après ça, quand tu comprends le contexte. Tu regardes l'autre, puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'on est-tu? On est en train d'écouter Goon? C'est quoi qui se passe? Je pensais que c'était Sean William Scott pendant ça. C'est Cashin, ça. Ah non, Cashin, tu vois, qui a perdu une partie de son cerveau. On va le revoir encore là, il est comme. Il est dilaté comme le calice Cashin. Fuck you! Voilà, on chier. Je dis, imagine la merde, elle se dit, yeah, what are you talking about? I was your friend! Fait que ça, c'est Steve Ott, ça. Avoue qu'elle a l'air de ça. Steve Ott, t'as raison, tu as dit mon ben ouais, c'est sûr, man. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était pas un pain. Talk parce que Genshin, je sais qu'il l'a comme pris personnel. Tu vois, c'est cool, là. C'est deux gars de Windsor. C'est correct, tu sais. Mais c'est un talk shitter, là, quand ouais, même. Ouais, hot, c'est un shit disturber. Ouais, moi, j'aime bien ça. Mais ça quand c'est j'ai vu, quand voyant, j'ai vu le GIF tout de suite après, ça a pris comme 10 secondes, puis c'était juste Twitter en GIF. Ça n'a pas pris de temps. Vive les réseaux sociaux. C'est drôle, même. Après ça, il y a eu un but de Lucic et de Jeff. Tu veux qu'on check Emeline là-dessus? Ouais, Alex, je veux savoir qu'est-ce que tu pensais du jeu de Emeline. Tu vas faire chialer sur Emeline. Ben, je suis prête. Jeff est sur le Emeline bash. I agree. Vas-y, c'est-tu. Et voilà. Hey, c'est vrai que le gars plus check ça, sti. Tabarnak, il l'a tassé comme si c'était rien, sti. Price était faible là-dessus, mais vraiment, là, c'est... Qu'est-ce que t'as fait? Ben, remets le début. On va le revoir en replay. Parce que dans le fond, c'est il pas le jeu le tassé. C'est le premier jeu qui se met... T'sais, il essaie d'aller chercher à puck en place de backer. Vraiment, puis c'est pas une situation que t'as besoin de pincher là-dessus. Là. On va le revoir. Len, pour le reste, son hockey IQ, là, son sens du hockey. Là. Ah, ouais, c'est trop. C'est, le jeu, il était déjà out déjà là. C'est direct quand il décide d'aller là. Ah, pas là, excuse. En tout cas. Mais au début, c'est là le problème. Pour le reste, puis il va. Là, il n'y a pas dit d'affaire faire ça. Back the fuck out. Ça, c'est un jeu de paresse. Ouais, mais genre, je vais essayer pour être la puck. Il n'y a aucune chance d'avoir la rondelle là-dessus. Là. C'est ridicule. Puis, tu sais, il sait que c'est Lucic. On s'entend que ce gars-là, il n'est pas facile à tasser. Là. OK, ça aurait pu marcher. À sa défense, là. Ouais. Il aurait pu ouais, poker, mais. Ça vaut-tu la peine de prendre juste un risque? Juste safe, back. C'est tout. Là. Mais c'est pas juste cette séquence-là. Depuis un bout, là, son sens de hockey est à zéro. Mais je vois d'autres choses pour toi. On a quelque chose qui s'en vient d'ailleurs pour le prochain match, qui est le match du 14 mars de cette semaine. Chicago contre Montréal, une défaite de 4-2. Il y a trois buts là-dessus qui se fait spotter. Ben, c'est les trois extraits qu'on on a. On a ça, live. Ta pression va monter, mon cher. Mark n'est même pas là pour se défendre. Parce que Mark, je viens vous dire, il défend toujours Emeline. Ouais, il l'aime bien gros. Il l'aime bien Emeline gros parce fait partie gars, du top 6. Il frappe quand de il frappe, frappe au début du saison. Quand tu frappes, c'est parce que t'as pas le puck. Ouais. Non, mais là, c'est vrai aussi. Dans ce match-là, 200e point pour Chucky, 500e match en carrière pour Carey Price. Donc, on va analyser les trois buts un petit peu ici du Canadien. On va voir qu'est-ce qu'il y a plus de points que. C'est qui s'est fait leur... Fassberg s'est fait leur pêcher en même temps que lui. Ouais, mais Fassberg, il a manqué une année. Ben, il a comme commencé un an plus tard. Wow. Donc, on a ici le premier but de et Chicago. Voilà. Là, on va voir. C'est lui qui est supposé. On va encore le voir. En avant du net. Tu sais, c'est ça, là. C'est le hockey sense, c'est pas là en ce moment du non, tout. Non, je sais pas s'il a déjà joue été. Comme une graine. Ah, vraiment, c'est dégueulasse. J'espère que tu regardes ça live, Mike. Ça, c'était pendant la fameuse tempête de neige. Là, c'est là que Mike disait, ouais, mais contre Kane. Contre Kane, il n'y a pas de défense. Check ça. See, what the fuck is that, man? Fucking. Pas une, deux fois. C'est vraiment, là, c'était pathétique. On salue les fans qui nous écoutent live, d'ailleurs. Et non, Martin n'est pas là. Il réagira en retardement. Tapette. Et on va revenir ici. Après ça, deuxième vidéo, deuxième but encore de Chicago. Ça, c'était le but de Johnny Oduya. Ouais. Là, J.S. a remarqué qu'Emeline a fait un hip check à Gallagher. Ben oui, tu sais, tout pour t'aider. Là. Ah, t'as pas vu le début. Mais on va le remettre, on va le voir dans Replace parce que j'avais comme dans mon vidéo. Il manquait le début de tout ça. Mais ça, bon, c'était Price qui fait chier là-dessus. Ouais, mais on va quand même voir le. Mais c'est proche du cash, je comprends. Mais c'est... Tu vas voir dans le fond juste avant ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça. Tu sais, ça se propose d'avoir lieu, ces affaires-là. Tout à Petrie. Puis fucking Emeline sur la glace. Même Petrie est mauvais. Ouais, mauvais. Les deux, c'est normal. Normal. C'est plus le même gars depuis qu'il joue pas avec Markov. Là. Ben. Mais tu sais, Petrie, il a fait une belle tentative ici. Ouais. Là, il a coupé la passe, mais la rondelle est juste tombée au mauvais endroit. Là. Bon, on le verra pas vraiment sur le replay, ça veut dire. Il est ben, même pas là. Il est en coin du sol. Pourtant, c'est un élément très important, mais la raison pourquoi il y a eu une contre-attaque des Blackhawks de Chicago, c'est parce qu'Emeline, au lieu de jouer son homme, il a essayé de faire la grosse mise en échec, puis il a plaqué Gallagher. Fait que tu perds deux gars en partant. Ah oui, je l'ai vu ça, dans le milieu de la glace. Là. Ben, c'est ça, fait que tu perds deux joueurs en partant dans une contre-attaque de Chicago. Ça, c'est le gars qui a plus con. Ben, ok, peut-être je vais lui donner un petit point de défense. Depuis qu'il a été benché, ça l'a fucké. Puis là, peut-être qu'il veut faire le gros play. Juste pour avoir la confiance. Regarde, c'est ça ma job, je suis capable de le plaquer. C'est la paix. À chaque fois, c'est tout à ça qu'il essaie de faire, d'aller vers l'homme. Puis il réussit pas. C'est ça, ben justement, aller vers l'homme, des fois, c'est pas nécessairement le bon jeu à faire. On a une vidéo pour te le prouver. Alors, on va monter le troisième but, d'ailleurs. Là, c'est ici. Évident. Ça, là, c'est. Qu'est-ce que tu fais, Chris, aller sur le même bord que l'autre, tabarnak, tu sais? Vraiment, ça, c'est du hockey IQ qui est pas. Puis on s'entend que dans NHL, quand t'es sur la glace, tu le sais contre qui tu joues, tu sais. Mais ça, c'est une erreur de Chris. Dans le bantam, tu ferais que. Ben, le coach l'aurait crié après. Le père l'aurait battu à la maison. Mais Claude, il crie pas, il y a trop de petites voix douces. Il veut juste dire, on s'est gros aussi. Sûrement qu'il y a... On s'est gros aussi. On va leur voir ici là. Terrible, ça terrible. C'est vraiment là, ridicule. Il n'y a aucune raison, il voyait là, que Petrie était là. Ben c'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Il y a quatre gars. Mais c'est souvent c'est ça qu'il fait, Chris. Il va tout le temps du mauvais bord. Oui, tu sais, à ligne bleue, il va aller du même gars. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, là, pendant la game, il l'a mis avec Markov, puis il l'a crissé à droite. Genre, dit, tu veux jouer à droite, tu veux jouer à droite, mon tabarnak. Puis là, il a... c'est comme ça, pas de mauvais. Ben oui, comme un cave. Comme un cave. Mais Markov, au moins, il pourrait dire, tu le regardais avec un regard assassin, genre, reste de ton bord. C'est un regard de mafia russe. Là, ah, mais là, c'est mettre deux gars ensemble qui n'ont pas de confiance. Man, hey, tu peux pas faire ça. C'est qui le joint cette semaine qui check le Instagram de la blonde à Radulov qui pose des guns ouais, chez il a, eux? Oui, il a ouvertement dit dans DLC, il a ouvertement DLC? Checké le Instagram de la femme de Radulov. Ah ouais? Puis il commençait à déduire, elle aime les guns. C'est des Russes. Ça fait trois mois qu'elle est en Russie parce que là, Radulov, ça se peut qu'il s'en aille ailleurs. Arrête. Il a spéculé, mon c'est gars, comme jamais. J'en revenais aujourd'hui, pas, il a dit comme arrêtez, c'est ridicule. Ah, le 8 ans. Et lui, il dit que c'est ridicule. J'en demanderai jamais 8 ans, c'est carrément fou. Là. Ben, c'est ça, en tout cas. Croyez pas à tout ce que les journalistes non. et non. les petits blogueurs disent. Quand 91.9 joue à radio, tu baisses. Non, non, ça, c'est non, TSN 690. C'est Tony, Mr. Tony. Non, mais je faisais Marinaro. Référence à une autre histoire. Ouais. Ouais. Ben, pas, mais moi, j'aime le 91.9, man. Moi, non. J'écoute ça tout le temps, toujours. Dommage. C'est des bonnes opinions? Oui. À part de l'homme qui... Ouais, non, même de l'homme, il est cool, man. Pour vrai, il parle juste avec du monde, de l'homme. Non, mais pour vrai, c'est divertissant, le 91.9. Moi, j'aime, pour vrai, j'aime vraiment ça. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la rectitude politique des journalistes sportifs qu'ils ont normalement. Exact. Un peu comme nous autres, là, sauf que sont toi, plus... Toi, t'écoutes le mainstream... Moi, j'aime ça écouter TSN 690. Je l'aime bien. Ton petit ami Tony, là, c'est lui qui a sorti cette rumeur-là. Non, mais moi, j'écoute pas Tony. Radu. Moi, j'écoute... Ton poste, là, c'est lui qui a sorti la rumeur. Puis Radu, il shut it down. Moi, j'aime mieux Mitch Melnick. Oh. Tony. Un vrai régal. Bon, fait que nos plus et nos moins, on n'essaie pas de donner tout le monde à... On va avec nos moins. Le moins, on vient de le voir trois fois. Ah ouais, c'est ça, c'est avec son partner. Je t'avais de retirer son jersey pour les moins et de le laisser dans une case à moins. C'est sûr que le moins, pour de vrai, le moins, là, c'est tout des défenseurs. C'est Beaulieu, Petrie, Emeline. Il n'y en a pas d'autres. Fait que, allez-y, moi, je vais prendre Beaulieu. Tu peux prendre Emeline. Tu peux prendre Petrie. Ouais. Moi, c'est sûr, c'est Emeline parce que Chris Asti, il m'enrage, tabarnak. Ouais. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, il était le défenseur de trop à pratique. Beaulieu est revenu avec Jordy Ben. Puis, ouais, mais il n'a pas confirmé que c'est lui qui jouait. Mais non, c'est sûr, pas encore. Mais... Ils ne le bencheront pas. Et par exemple, je suis d'accord, mais. Quand tu peux pas le bencher. Faut que tu fasses jouer Emeline si on a besoin pendant la série. Ce ne sera pas Davinson qui va être là pendant la série. Ça va être Emeline. Fait qu'il fallait jouer jusqu'à la fin. Les 12 matchs qui restent. Ouais, mais mettons, je te mets dans une situation où ce que les autres défenseurs jouent mieux qu'Emeline. Tu fais jouer tes meilleurs joueurs. Ouais, mais tu n'auras pas le temps assez pour évaluer Davidson pendant 12 matchs pour voir si c'est ton meilleur. Emeline, c'est un vétéran. Tu vas faire, on va en avoir une jouer. Bonne idée, par contre, parce que là, il est jumelé avec Jeff Petrie. Tu peux pas mettre Davidson 12 matchs ou 25-6 avant la série. 25-6? Mais non, 5-6. Je dis pas 25-6. Mais tu n'as pas le choix. Tu fais jouer ton team. Présentement, tu essaies de faire jouer le plus possible ton équipe que tu vas faire jouer dans les séries. Chris, imagine si Emeline fait que... Ouais, les erreurs de même en playoff, là, ça te coûte une série, ça. C'est ouais, ta saison qu'il est finie. Faut qu'il gagne sa confiance. Là. Faut que tu lui donnes 10 matchs aussi pour qu'il gagne sa confiance. Eh hey boy. Ah, bon, t'as pas le choix. Dans tu peux pas mettre David, ça. Dans le chat, il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent Poulin qui dit « Team Mallette ». Merci. Team Mallette. On voit que c'est un fin connaisseur. Bon. Ben non, moi, je suis pas capable, Emeline. Puis peut-être que oui, ça serait le fun qu'il retrouve sa confiance. Mais présentement, on dirait que depuis que Claude Julien est avec le club, il ne fit pas dans le système. Le contrôle de la rondelle, la possession de rondelle, on dirait qu'il ne sait pas c'est quoi faire. Il va tout le temps du mauvais bord, il shake. C'est comme s'il jouait avec une grenade tabarnak puis il a peur que ça lui sorte d'en face. Je suis d'accord avec toi que je ne joue pas bien. Là. Mais je te dis juste, pendant la série, tu auras besoin d'un gars de même. Je suis d'accord. Mais si sa confiance ne revient pas, d'accord. Je préfère la mettre. Mais c'est ouais, ça, j'aimerais ça qu'il revienne bon, mec. Genre. Ouais, mais il ne reviendra pas bon sur le bench, Sti. Faut que tu fasses jouer, Chris. Ça moi, vient avec. Moi, je ferais jouer mes meilleurs 12 joueurs. Games. Je ferais jouer mes meilleurs joueurs. Ben, tu fais jouer. Ben, tu vas avoir besoin de ce gars-là. Si Davidson est meilleur qu'Emeline, mais excuse-moi, Emeline, tu vas rester en haut et tu vas manger des olives. Davidson, il n'a jamais été dans les séries. Emeline, il a juste joué dans les séries. Fait que t'as besoin de ce gars-là. Je te rappelle que les séries, c'est carrément différent. Il n'a jamais participé en série quand il était joueur au Canadien de Montréal. Qui ça? Jeff Petrie. Ok, mais on parle d'Emeline. Non, c'est exactement. Mais Davidson n'a jamais joué dans les séries de sa vie. Puis même quand Crosby avec McDavid, il l'a dit. Tu peux pas comparer une saison régulière jusqu'à temps que tu vas avoir l'expérience à la première game. Ouais, mais je vais donner un autre exemple. Quand les Pingouins étaient chercher Justin Schultz là, à date limite l'année passée, là, ben Chris. Schultz. Whatever. Ben ce gars-là, Chris Esti, il a joué pendant les playoffs et il a gagné la coupe. Oui. Là, je vais loin. Mais non, c'est parce que tu peux pas dire le gars a jamais joué en série, je le ferai pas jouer. Tu peux pas dire ça. Ben là, avec les gars que t'as. Tu peux pas mettre Davidson pendant les playoffs. S'il joue mieux, par contre, je préférerais laisser du temps de glace à Davidson. Parce que si Emeline te coûte un match en série, t'es en marde. Tu peux pas faire ça, un vétéran. Mais peu importe qui te coûte un match en série, dans marde. Tu perds, c'est sûr, man. Oublie ça, là, c'est comme tu peux pas faire ça, un vétéran. Ça lance un mauvais message, man, dans le vestiaire. Ouais. Mais s'il est pas content. Tu vas perdre ta chambre. Perdre ton vestiaire. Tu n'as pas le temps de perdre la chambre avant les playoffs. Tu vas backer Emeline. Yeah, Emeline, moi, t'aider. C'est pas grave, ça lance un mauvais message. Après, il y a beau lieu où t'es en crise. Parce que là, peut-être qu'on va jouer à la chaise musicale. Non, mais si on gagne. T'as pas l'affaire étant en crise. Ouais, si on gagne. Faut que tu sois content pour l'équipe. Tu as besoin d'un gars physique, man. Adi. Dordy Ben. Dordy Ben, là, il est déjà là, mais non, t'en as besoin d'un autre. Shea Weber, il est physique. Je suis pas du même bord, là. C'est pas lui qui va. Ben, il est physique, mais il est pas tant non plus, là, Weber, là. C'est pas lui qui va te faire. Il pourrait l'être. Dans le fond, il est capable de faire un ménage avant le filet, là. Il est vieux, ben non, voilà, qu'est-ce qu'on est plus vieux que lui? On est vieux. On se fait mal. On est fini. On fait des échecs comme dernier, puis on va se blesser. J'ai mal au dos. Non, non, mais... Non, il est bon pour cleaner le devant le 17, mais il n'est plus le hitter qui était, Weber. Moi qui s'est blessé. Au début de l'année, il l'était, ben après ça, ça a comme disparu, cet aspect-là. De qui c'est Weber? Il joue, Weber. Ben, parce qu'il joue à Kim. Non. Ça n'a pas aidé à maintenant. Il joue avec Beaulieu au début de l'année. Anyway, on va aller faire nos plus maintenant, là. Ouais. Qui veut commencer par les plus? Toi, Alex, as-tu un petit plus à donner? Un plus. On va le donner à Galchenyuk. Oh! Ah non, mais il a bien joué un bout. Puis à part peut-être les deux derniers games, il est un peu perdu, mais je pense qu'il est. T'es-tu content qu'ils ont comme remis ça sa première ligne? Non. Tu trouves qu'elle sait trop mettre les yeux dans le même panier? Ouais, exact. Moi, je suis Dano au premier centre, lui, mais sa deuxième ligne. Ça pourrait changer. Je veux pas le faire jouer avec Pacioretty et Radulov. Je trouve que c'est trois gars qui veulent la POC. Pas fait pour être ensemble. Ben quoi que Pacho, c'est pas le gars qui est nécessairement qui va préparer le jeu, mais Radulov et Galchenyuk, ça donne. Comme... Ouais, mais Radu veut donner la POC à Pacioretty. Dano veut donner la POC à Pacioretty. Ben Galchenyuk, c'est comme Galchenyuk veut la POC. Pacioretty veut la POC, puis Radu veut la POC pour pouvoir passer. Galchenyuk, il peut faire des jeux puis il peut marquer, fait que ça donne une alternative intéressante. Non? Non, pour le vrai, je ferais pas ça. Moi, ça serait vraiment Dano, Radulov, Patio. C'est sûr que ça l'équilibre mieux les trios parce que si, mettons, ce trio-là ne marche pas un soir, t'es dans la merde. Moi, les joueurs dans le même panier, ça marche peut-être que si tu perds par un but en troisième période. Là. Ouais, à moins qu'on ait des joueurs comme Gallagher qui se réveillent. Mais je vais lui donner, tu sais, je veux dire, comme. Pour de vrai, Galchenyuk qui s'est réveillé, je vais lui donner. Mais. Je vois pas, tu sais, à part Paul Byron, là, que, il est en ouais, feu. C'est moi mon plus. T'sais, il joue une petite game, là, de là. C'est no ben, là, celui-là. Ouais, il a pris un peu son élan de début de saison. Ouais, il va le marquer son 20e but. J'espère. Jeff, pour lui. Ton plus, toi? Moi, mon plus, c'est Andrew Shaw. Depuis que Claude Julien est en poste, je trouve qu'Andrew Shaw, il est devenu un peu le joueur qu'on espérait, tu sais. Il monte du caractère, il fait des bonnes mises en échec. T'sais, le chat est sorti du sac, je pense. Le chat est sorti du sac. Lol. Non, c'est vrai. J'aime ce que je vois. Les premières games, quand Julien était là, le chat n'était pas bon. La première game, il n'y a pas grand monde qui était bon. Après ça, 4-5 games pris, après que c'est revenu, là, il est revenu. Mais au début, il faisait des pénalités de match. Non, je suis d'accord. Moi, je suis là-dessus. Mais, c'est pas gros, moi, je parle du laps de temps. Non, mais c'est une coïncidence, mais il a comme repris sa confiance parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs qui sont sorties sur Andrew Shaw qu'on n'aura pas besoin de citer. Je regarde pas les sites à potins. Non plus. En tout cas, c'est des rumeurs. Hein. Les rumeurs? Dans le fond, apparemment... On s'en calisse. Non, il peut me le dire. Juste pour le fun. Apparemment, Michel Therrien l'aurait humilié dans le monde. Ah ouais, OK, mais là, ça fait longtemps. Mais en tout cas... C'est une nouvelle rumeur. J'ai quelque chose pour toi, pour Andrew Shaw, par contre, pour les fanatifs de guitare. Keith Urban est venu donner des cours de guitare à Andrew Shaw hier. Dans le vestiaire, oui. Ouais. C'est une information totalement inutile. Ben, c'est pas grave. je te donne un potin, je t'en ai donné un. C'est pas le mari à fucking. À Nicole Kidman. Tom Cruise. Ben non, Chris, en tout cas, whatever. Mais j'aime ce que je vois d'Andrew Shaw. Puis je pense que c'est un gars qui va pouvoir être très important dans les playoffs. Ben, c'est absolument. Parce qu'il ne comptera pas tout le temps plein de buts, mais il va compter des buts importants. Puis il va faire la place. Ouais, puis il frappe, puis tout ça. C'est sûr qu'il va pogner des deux, mais. Qu'est-ce que tu penses, mettons? Ah, je vais faire ça après. De nos lignes pendant les playoffs. On peut le faire tantôt. Là. Ouais. Ben, il nous reste encore 2 minutes si on veut. Sinon, on peut parler de ça. Là. Je vois 1 minute 44, 43. Ben, c'est ça. Ben, ouais, là, je vois le temps. C'est... Ben, si tu parlais des lignes, dans le fond. Là, non, mais là, attends, là, c'est quoi ton plus à toi? Ben, il l'a dit. J'ai dit, tu pas le Biron? Ah, ouais, ok. Bon. C'est rendu que tu ne suis pas. Ben, là, c'est parce que moi, tout. Il t'adresse à Dave. Fait que là, il ne suit pas. Ouais, c'est ça. Moi, ben, si tu parlais des trios, mon Alex, ça, c'est mettons les trios qu'il y a à pratique un matin. Non. Ton trio à toi pendant les playoffs. Les trios que. Je m'en fous. Ben, moi, personnellement, les playoffs. On n'est pas obligé d'aller à 3-4, là. Mettons 1-2. Les deux premières lignes, ouais. Ben, moi, c'est sûr, tu sais, je préfère garder la première ligne, Galchenyuk, Radulov, Pacioretty, parce que c'est comme ta power line. Fait que tu c'est en qui avantage. Deuxième? Ma deuxième ligne, là, rendue là, j'irai avec Dano comme centre, avec Shaw et Byron. C'est petit, man, ces ailes. C'est vrai. Ben, c'est petit, ces ailes, mais Chris, ça va patiner. Tu penses, mettons. Dano, Gallagher, Pacioretty, Galchenyuk, Radulov, Shaw. C'est sûr que c'est équilibré. Hein? Plekanec, Byron, Plekanec. J'haïs pas ça. Plekanec, Plekanec, Byron. Après ça, quatrième, là. Dwight King, Steve Ott. Dwight King, Steve Ott. Ou ça peut être t'as Mitchell, avec Mitchell. Puis, une ligne qui frappe. Flynn, je pense qu'on le verra. Ben, hey, non, c'est pas vrai. Je me semble qu'il était blessé à Vancouver. Ouais, ça. Fait que j'aurais Mitchell. Je l'appelle tant Lee. C'est quoi son esti nom? Bruce Lee? Non. Brian Flynn? Non. Martinson? Ouais, OK, mais non, le petit gars des Kings, le Carlis. Dwight King. Je me suis dit King, c'est pas son nom. Ça, Dwight son nom King. Tu sais, mais ce gars-là, là, pour le vrai, c'est une petite déception. Ben, fais rien, Carlis. Je vais faire mon psychologue. Okay? Oh, fais ton maillot. Oh, parce qu'il a déménagé et ça nuit de sa famille. Non, mais c'est parce que dans le fond, il faut se aller dans sa peau, puis tu vas peut-être comprendre aussi. Là. Ce qui est arrivé. Là, ben c'est fini. Fait que. Quand il a été échangé, là, c'était la fête à sa fille. Oh! Puis, en plus, sa femme vient d'accoucher. Là, des millions. Ça Non, mais c'est parce que pareil. Moi, j'ai des envies. Moi, en étant séparé de mon fils à la moitié du temps, c'est sûr que ça m'a fait de quoi. Fait que lui, de pas bon, voir. Là, je peux pas rien dire, je me sens mal à cette heure. Non, joue la carte, c'est juste pour comprendre la situation. I understand. Là, il y a son bébé naissant qui ne veut pas. T'sais, ça fait. Il est en état de choc parce que dans le fond, il s'attendait vraiment pas à être échangé. Puis j'écoute une télésérie justement qui est sur le sport puis tout ça. Puis la journée que tu t'es échangé, les gars qui s'en attendent pas, Chris, des fois, tu peux partir dans ton autre club. Là, puis les gars sont tellement sur le choc qu'ils amènent une paire de bobettes, celles qui ont sur le dos puis tout ça. Puis ils battent trip bérette. Puis je pense que King. Présentement, genre, il est comme dans un territoire inconnu. Puis je souhaite qu'il y ait un gars dans l'équipe qui va aller le voir, puis il va passer la journée avec pour l'adapter. Puis d'insérer, il va être prêt. D'après moi, il pourrait être très utile. Le gars, il a beaucoup d'expérience. Tu mets McCarron? J'aime la chimie McCarron avec Steve Ott, parce qu'on dirait que Steve Ott pourrait montrer. Ben, ça ferait une nasty de ligne, honnêtement. Là. Ah, moi, je suis prêt à vivre. La quatrième, pour le reste, je suis prêt à vivre. Ben, sauf que. Dans le fond, ce qui arrive, je sais pas moi, il faudrait que McCarron connaisse des bons matchs, une bonne séquence pour pouvoir rester sur l'alignement. Parce que t'as quand même Torrey Mitchell qui fait une belle job. Tant qu'il fait du forecheck, j'ai pas de problème avec McCarron qui soit là. Tant que, moi que tu patines. Sauf que tu vas aller avec qui, mettons, si t'aurais le choix entre McCarron puis Torrey Mitchell? Ça dépend du match. Bon, pour le reste, je suis prêt à les interchanger. Donne-moi un bon match, je ne pas un bon, je mets l'autre. Donne-moi un bon match, je mets l'autre. Si ça, on peut le faire facilement parce que dans le fond, on a la profondeur. C'est, ça... c'est exactement ce que Marc voulait créer. C'est une espèce de compétition à l'interne. Fait que d'après moi, ça va jouer entre Martinson, Flynn, on peut l'oublier, là, mais Martinson, Mitchell, puis McCarron. Parce que d'après moi, Steve Up et Dwight King ont leur position. Lekkonen, je vois pas pourquoi on le retirait. Non, Lekkonen est à 3 avec Plekki. Mais ça mènerait un petit peu d'offensive et un petit peu de. Byron, Lekkonen, Plekki. T'as un bon. T'as des gars qui peuvent back-checker en Il y a une belle chimie avec Plekki et Lekkonen, qu'on dise quoi que ce soit de Lekkonen. Moi, je suis pas sûr. Mais ça, c'est mes lignes. Des bons choix. J'haïs pas ça, honnêtement. Je trouve que. C'est plus balancé. Puis écoute, si mettons tu perds, ben Chris, mais Gal Jenga, c'est la première. À la fin de l'année, pas la fin de l'année, mais à la fin de la game, si tu perds, c'est ça, tu peux jouer avec tes trios. Les fans venaient commenter. Les Switch, même là, tu mets Gallagher, Shaw, Dano, puis l'autre, tu mets Gal Jenga, Cardulov, Pacioretty. C'est fini. Ouais, puis. Addy, je sais un petit peu. Sur le powerplay, t'aimes-tu le fait que Pacioretty soit à pointe? Non. Non, ça, si je mettrais tout, mais ça, là, c'est là que je mettrais sur mon powerplay one. Je mets toutes mes œufs dans le même panier. Fait que là, c'est. Là, c'est Galchenyuk, Pacioretty, Radulov, Weber, Markov. That's it. La deuxième ligne, après ça, puis ça, tu joues pendant une minute et demie. Puis après ça, pendant le dernier 30 secondes, ça va être le reste. Je m'en calisse. Lekkonen, Dano, Gallagher. Puis après ça, tu mets Beaulieu, Petrie. De toute façon, tu vas pas aller faire jouer ta première vague quasiment une minute et demie. Ça, je le ferais. Mais ben ça n'est pas tant dans la game où tu es rendu où. Ben, quelque chose que j'aimerais voir. Les fans, on veut avoir vos choix dans les commentaires de l'épisode. Venez donner vos lignes pour les playoffs. Mais il y avait quelqu'un avec qui j'avais jasé, là, excuse-moi, parce que je me souviens plus c'est qui. Galchenyuk à pointe avec Shea Weber. J'aime pas ça mettre un attaquant à pointe. Puis pas Galchenyuk quand c'est un scoreur Mais dans le fond, c'est comme si tu mettais Dano au centre avec Pacioretty. Mais Markov, Adi. Mais Markov avec Weber. Markov passe bien à Puck. Puis qu'est-ce qui me dérange un peu? Moi, là, que j'aime pas là, là-dessus, c'est que la permutation tout le temps est défensive. Que là, tu sais, Weber, il faut tout le temps qu'il change de bord. Asti, commence de l'autre bord. Tu sais, je veux dire, pourquoi que t'es obligé comme. Je sais que tu protèges la bande, mais j'aimerais ça essayer. Commence, flip-les tout de suite. Commence du mauvais bord. Je sais que t'es du revers, là, mais en place que. Parce que là, ils perdent du temps à passer, puis OK, go, on switch. Tu sais, tout le monde le sait que vous allez le faire. Là. Commence déjà ton comme, bord. C'est comme prévisible. Tu vas shotter, Asti. Parce que souvent, il perd un tir pour ça. Tu sais, je veux dire, il a une belle passe, mais on a vu qu'il a capté son revers. Là, il faut qu'il fasse une autre passe. Après ça, il permute. Là, il fait une passe à Markov ou whatever. Pacioretty passe à Weber. Weber, tu sais. Hey, est-ce à un moment donné. Ben, d'après moi, ça va commencer à s'ajouter parce que je pense qu'on peut avoir assez de temps quand même de travailler là-dessus. On a comme corrigé d'autres affaires. Là. Mais là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en fin de semaine contre Ottawa. Je sais pas, pendant l'entraînement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont essayé. Là, mais... un attaquant à pointe. On n'a pas les gars pour ça. C'est pas, c'est pas Ovechkin. Là, pis ces affaires, ça prend un gars pour faire la passe. C'est ça, exact. Ça prend Markov, mets tous tes œufs dans le même panier, puis on est en business. Et voilà. On va faire une première entraque, puis on va revenir pour la deuxième période avec les extraits audio. On est de retour pour la deuxième période. Et c'est le temps des extraits audio cette semaine. Un extrait de Marc Bergevin et le reste. Ben, c'est le bon Claude Julien avec sa voix douce qui nous détend le soir comme ça. Après, en troisième, on a un extrait aussi. On a deux extraits du Doc Mayou. Stay tuned parce que. I love that shit. Toujours des propos super lui, il est pertinents. Divertissant. Il est divertissant, mec. Asti qui était pas. Je l'écouterais. Ça, c'est de la bonne radio. Un psy à l'écoute. Tu m'inquiètes avec tes choix de radio. J'écoute ça. Pas le temps. J'écoute 91. Pas le temps. Faut que je lise des films sur Wikipédia. J'ai des films sur Wikipédia. J'ai pas le temps de les regarder. J'ai lu Moonlight l'autre jour. Tu vois? Non, c'est une blague que je faisais. Tu l'as lu pour vrai? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai vu. Je l'ai écouté. Anyway, premier extrait audio de la semaine. C'est Marc Bergevin qui revient sur la date limite des transactions. Fait qu'il parle de son appréciation de son travail, en fait. Là. Avec sa chemise serrée. Dans l'ensemble, je crois qu'on a fait le mieux qu'on pouvait dans les circonstances. C'est certain qu'on a aimé ajouter de l'attaque, de l'offense, mais écoute, tu as vu ce qui s'est passé hier dans les nationales, il n'y a rien vraiment qui a bougé, puis les prix étaient vraiment élevés. Puis il y a tellement d'équipes qui sont en compétition pour les séries encore, fait que le marché était vraiment... n'y avait pas grand-chose. Alors, on était avec la grossesse sans se ralentir. On était avec la grossesse. Ça fait notre journée. Fait qu'on était avec la grossesse. On était avec la grossesse. Marc aime bien ça avec la grossesse. Oui, avec la grossesse. C'était comme weird, après, la petite musique dans le background. Ouais mais c'est une entrevue comme sur des tabourets vraiment bizarre. Là. C'était une émission genre. C'est le setup à Marc cool, Denis. C'était à Marc Denis tout seul, ça, sur le bord de la banque. Là, il se parlait. Okay, okay. Marc avait des trop gros bras dans une chemise serrée. Puis, ça, c'est sûr. Faut que je monte ses pipes. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est comme le Vince McMahon du hockey. Ouais, c'est des petits gros bras. Fou, hein? Après ça, on tombe dans les extraits à M. Claude Julien, parce qu'on va l'appeler M. Claude. Là. Ouais. Respect. Il y a une conférence de presse de Claude Julien après la victoire contre les Canucks. L'affaire sur Torrey Mitchell, je pense. On attend le tracteur dehors. Là. Le tracteur qui déneige. Je l'entends. Ouais, on va repartir d'extrait. Désolé, il y a une tempête de neige cette semaine. Hein? Fait que, ouais. Ben, il déneige encore. Il fait chaud dans le studio pour l'ouvrir la fenêtre. On ouvre la. C'est là que je travaille, puis des fois, ça se peut que ça sente bizarre à l'ombre. Fait que voici ce que Claude Julien avait à dire après la victoire contre les Canucks. Je disais « wow » quand je l'avais aux Olympiques, puis avec l'équipe Canada. Mais là, j'ai la chance de dire « wow » puis souvent. C'est un bon gardien. Écoute, il donne tellement de confiance à son équipe. Et puis ça, c'est important pour une équipe de bien performer. C'est de savoir qu'au moins quand tu fais une erreur, c'est un bon gardien qui va 99 % du temps arrêter la rondelle. Le 1 % c'est Emeline. Je sais pas, mais on dirait qu'il y a un bout de bois entre les dents. Il parle comme un cure-dent dans la bouche. Bien prononcé ou quelque chose, je sais pas. C'est comme si Jésus travaillait avec un crayon dans la gueule. Tu sais, quand tu parles sans fermer les dents. Il veut pas entendre des bruits de bouche du tout, lui. C'est comme... Michel Therrien, si tu as fait niaiser pour ses bruits de bouche, moi, j'en ferai pas un mot dit. Puis je vais rouler mes airs des fois. Des fois. Puis ça, dans les coulisses... Dans les coulisses, Claude Julien avait déclaré que Torrey Mitchell avait été malade et qu'il avait passé une bonne partie de la game aux toilettes. Ouais, tout le monde pensait qu'il était blessé. Puis pendant la première période, il dit « Oh, Mitchell a quitté » et tout ça, mais il était en train de chier. C'est hâte qu'ils disent qu'il a la grippe. C'est parce que moi, quand j'ai eu la notification, puis là, dans le fond, je me demandais où pourquoi tu m'ostinais encore. Hein? dans le fond, c'était vraiment genre le flux, mais dans les deux versions. Ouais, parce qu'en anglais, flou. C'est spécial pareil parce que c'est long, se déshabiller au hockey. Hein? Je sais pas, mais pour les culottes, c'est pas super. C'est parce que dans le fond, faut que descends ton chandail, enlève tes bretelles. Tu sais, quand ça presse, puis quand t'as le flux, il me semble que tu sors des étapes. Tu sens venir, là. Une bonne paire de deep ends pour la game, puis t'es correct. Là. Ah ouais, pauvre gars. Puis il a scoré en plus, t'as pas c'est comme dans ça. Mes buts, après, c'est ça, je fais vraiment pas. C'est comme dans. T'as droppé ici après. Oh! Yeah! Shit! C'est un peu comme dans Slapshot, le gars, il dit, hey, je suis pacté, puis je vois que je suis pacté, les stuff on chin. Il me fait jouer, si quelqu'un me plaque, moi je suis dans mes culottes. C'est ça qui est arrivé. Non, il dit, m'a pissé dans mes culottes, il se plaquait, gars, vas-y, il est stylé quand il dit. Ah, un classique. Il me fait jouer, je suis dans mes culottes. C'est l'enfant de bâton, il me fait le temps à jouer quand je suis chaud. deuxième extrait de Claude Julien, après la victoire des Oilers, il parle de Paul Byron qui avait été malade, puis il va parler de la perte de poids. Ouais, c'était quand même drôle, on écoute ça. On ne veut pas que Paul perde trop de poids, même quand il est en santé. Mais j'ai trouvé que sa réponse était extraordinaire, la façon qu'il est revenu jouer ce soir. Puis, il était vraiment, vraiment malade hier, puis il a montré beaucoup de caractère, puis il a donné une grosse victoire. Ben, il ne chie une shot. Puis j'ai su aujourd'hui dans un journal qu'il paye 160 livres. Ben, je pèse plus que lui. C'est fou. Ben, moi aussi. Ouais. Ah, mais, je pense qu'on pèse tout plus que lui. Ouais, mais. Non, mais, moi, je serais jamais capable de faire ça pour de vrai. Tu sais, être malade, là. Moi. Puis jouer au je hockey. Je suis un gastro, man. Je rentre pas pendant deux jours à la job. Lui, il va jouer le lendemain. Je suis comme, dude, comment tu fais, man? Ouais, je sais pas s'il y avait un cochon en forme, il était énergique, pas mal, en plus, lui-là. Là, il couchait dans la même chambre que Torrey. Ah, peut-être. Je sais pas. Non, ça peut se prendre. Des vétérans de même. Ben, tu sais. Quand il a signé l'année passée, tout, je pense qu'il n'y a qu'une chambre d'hôtel individuelle. Ouais. Moi, je chier tout seul. C'est ça. T'sais. Sinon, ça fait comme dans le sud avec ta blonde. Faut que tu alternes qui va avoir le flux puis qui va. Ok, prochain extrait. on est rendu dans les papiers ici. Conférence de presse de Claude Julien, encore une fois. Suite au retour du voyage dans l'Ouest. Il va décrire, c'est en anglais, je pense, cet extrait-là. Ouais. Il décrit comment il a dû composer avec ses trios pour le voyage dans l'Ouest, ouais. C'est-à-dire tout le monde qui avait à chiasse, là. Well, you know, without being too funny here, it was a crappy situation. A crappy? I don't think you want to get into details about that stuff, so we'll leave it at that. Il a un bon sens du mot. It was a crappy situation. C'est ça, il en place des bonnes à chaque fois. Chris, il est vite, Claude, il me surprend. Puis, il fait pas le petit rire de gorge comme Michel Théry en arrière. Non, il fait une face de... Il fait une petite face, par exemple, tout le temps. Une face de patate, là, mais... Sans serrer les dents. Non, mais tu sais, le pire, c'est que, tu sais, il l'a dit au journaliste, mais je suis sûr que dans le fond, là, ça devait rire dans la chambre. Les journalistes le respectent plus que Michel Therrien, vous trouvez? Vous pensez-vous? Ben, pour le moment, c'est comme trop tôt, peut-être le picossé. À un moment donné, tu vas le perdre. Il... Comme n'importe quel autre coach va perdre sa chambre à un moment donné. Là, typical Julien. Ouais, non, mais typical NHL. Ben, Claude Julien aime ça comme expliquer puis parler de hockey. Puis, tandis que Michel, on dirait que des fois, il y a des questions qui l'agaçaient. Un peu comme... Attends, là. Puis, il était comme... Non, mais à un moment donné, quand tu fais le temps... C'est dégueulasse. T'sais, il est comme, il n'y a pas de classe. C'est ça, ce gars qui mange la bouche ouverte. T'as un gars qui joue aux cartes, ça, à l'argent. Ouais. À l'argent. Il se coupe les ongles d'orteil et ça revoit ses chauffeurs d'autobus. Anyway, fait que oui, effectivement. OK. Passe un autre point, esti. Ben justement, avant de passer l'autre point, il y avait une question ici. Comment on a trouvé le voyage dans l'Ouest du Canadien? Ouais. Moi, j'ai dit une chose très tard. Comme toujours. C'est très tard. Ça, là, c'est une semaine. Quand on fait un podcast après ça, j'ai pas écouté les estis de match. J'ai vu les résultats, j'ai checké les replays. J'ai pas checké Vancouver, j'ai écouté une période de Calgary, puis j'ai écouté Edmonton. Mais le reste. Edmonton. Encore, les. Mais non, mais j'écoute pas. Même trop tard aussi. Je sens ma lettre. Ben là, il va écouter, il va checker les stats, il va tout aussi. Ben, je qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, honnêtement, là, avec la. Tu sais, au début, le flou, là, je pensais pas que c'était une épidémie qu'il y avait dans l'équipe, là, mais je trouve qu'un voyage dans l'Ouest où on a l'habitude d'être à chier. Ouais, bon jeu de mots. C'était placé facile. Ouais. Ben, c'était pas voulu. C'est comme ça sorti tout ça. On a joué point 75 points. On a point 750. Mais ben, quand même, dans le fond, on a fait 3 victoires. Non, c'était un bon. Il faut bon qu'on inclue la game de New York aussi dans ce voyage-là. Pas dans l'Ouest, par contre. Là. Non, mais techniquement, dans l'Ouest, on a 2 victoires et 1 défaite, ce qui pour moi est très bon. On avait-tu 2 victoires? Ah oui, Vancouver, maintenant. Ah, j'ai compté New York, c'est ça, ok. Ouais. Puis, tu sais, à Vancouver, je trouve qu'on a quand même très bien compétitionné. À Calgary, on n'était pas là pantoute, mais tu sais, je pense que la moitié du club filait juste pas, puis on avait des effectifs réduits. Ouais, non, mais c'est gros honesty. Ben, Calgary, c'est ça. C'était tough, là. Mais tu sais, on n'avait pas les conditions idéales pour pouvoir compétitionner contre une équipe qui était en feu. Canadien avant Julien, là. Ou quand j'ai c'est ça. C'est ça qu'on a vu encore. Les, des mauvais pieds, les conditions faisaient qu'on on avait de la misère de ce match-là. Là, mais Il paraît que les gars, il y avait des gars fatigués puis tout parce qu'ils étaient quand même malades. C'est ça. Ben, on ne saura jamais. OK, oui, je suis d'accord. C'était un bon voyage. L'important, c'était de bien répondre retour à cette défaite-là contre Edmonton puis on a réussi à faire de quoi de quand même de bon. Là, on a menotté McDavid. Oui. Hey, on est le 5e club dans la NHL cette année à blanchir McDavid dans la saison. Ça, c'est spectaculaire. Ben, peut-être pas à ce point-là, là, mais... Ben, c'est un bon job. Quand même. Ben, spectaculaire, c'est Alphonse. C'est un beau travail. C'est comme... Fuck you, Connor! Le connard. Fuck you, Connor. Mange-moi le pain, connard McDavid. Après ça, prochain extrait, c'est encore une fois une conférence de presse de Claude Julien. C'est après le match contre les Blackhawks de Chicago. Deux petits extraits là-dessus. Premièrement, on a demandé à Julien comment il avait trouvé l'effort de ses joueurs durant le match. On l'écoute. Oui, une chose qu'on ne peut pas critiquer, c'est l'effort de l'équipe ce soir. On avait un bon effort, surtout quand tu reviens d'un voyage comme qu'on a fait. Le premier match est toujours difficile. On a fait face à une des meilleures équipes du circuit. Puis j'ai trouvé quand même que l'effort était là. On n'a pas abandonné. Par contre, tu sais, je pense que l'exécution n'était peut-être pas à point ce soir. Là, tu sais, on a eu beaucoup de lancers au filet, mais... Tu sais, les passes souvent dans les patins, des choses eux-mêmes. Puis c'est peut-être là qui était la différence là, avec une équipe comparée à l'autre. L'exécution de Chicago est un petit peu meilleure que la nôtre ce soir. Voilà. Ouais, c'est un bon match de hockey. Contre Edmonton, bah, t'es là qu'il gagnait, on s'entend. Oui, mais dans le fond, c'est ça. On est allé. Mais Edmonton, c'est une bonne équipe. Même, ouais, ils ont une belle séquence aussi. C'est pour le vrai, là, 4-1, c'est pas représentatif de la game. Non, parce qu'il y a du but dans un filet désert, mais pareil, dans le fond, on a réussi à menotter les Gautriers, ce qui était la job. T'es hot en esti, man. Talbot, t'es hot en esti. Le deuxième but, t'es là qu'en tabarnak. C'est ça. Mais on était opportuniste. Ouais. Ben, il y a une affaire aussi là, qui était une discussion cette semaine. Là. Croyez-vous au curse du fait que tu reviens d'un voyage, c'est toujours difficile. Le retour à la maison. Bon, tout le monde dit ça, puis regarde, peut-être qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans, mais. Ça dépend du voyage. Je sais pas, j'ai pas vu les stats. Là, parce qu'un voyage dans l'Ouest, il y a le décalage horaire, puis les gars qui reviennent à la maison, après ça, tu sais, dans le fond, les gars, ils sont venus d'Edmonton, sont arrivés, mettons, lundi dans la nuit ou lundi matin, puis t'as joué le mardi tout de suite après. ton décalage horaire, là, techniquement, là, en, mettons, en dedans de 24 heures, là, c'est comme dur en crise de te reprendre, surtout pour ceux qui ont des familles. Ouais, mais en même temps, c'est du 2 heures le décalage, 3 heures, c'est pas si pire. Ouais. Mais c'est parce que les gars, des athlètes, les gars, quand même. Les gars, ils ont leur routine, puis quand ça fuck tes affaires. T'es un pro, c'est pas de pouvoir. Je pense même un gros voyage dans l'Est, quand tu reviens à la maison, t'as le même affaire. Je pense pas que ça a rapport avec l'Ouest. Mais tu sais, t'as le fait que t'étais malade aussi pendant le voyage. Là, il était spécialement dur à cause de tout ça. Tu joues contre Chicago en plus. On a bien joué contre Chicago. Ben, je trouve qu'on a bien répondu. Parce que dans le fond, techniquement, mettons, t'enlèves une erreur de Yemlin, mettons un but que joue tout croche, là, c'est 2-2. Ah oh ouais. Mais non, mais c'est pour ça, je pense que c'est une équipe que si, mettons, ça aurait été série, que ça aurait été le cran. On peut pas vraiment comparer, là, je sais ma petite comparaison boiteuse, là, mais tu sais, on les tenait, là. T'sais, pendant la première et la deuxième période, jusqu'à ce score, là, on les a tenus. Là. C'est ça, c'est juste, en fond, des Après erreurs ça, paf, très, très, très, très graves de Yemlin. Ben, c'est une équipe qui est molle. Là. C'est une équipe qui est molle. Patrick Reilly, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Il parlait fort de l'homme. Ouais. Il a fait son meilleur coup de pas cette année, ça. Ah ouais, sur Patrick Reilly, ouais. Il dit, ouais, j'étais rough dessus. Mais là, il s'est replacé, là, dans la deuxième moitié de saison, même. Je baisse tout un homme, man. J'ai le bail, il admet ses erreurs. Ouais, si, ouais. Puis ce qui était cute cette semaine, c'est que Pacioretty a aidé un de ses voisins à pousser son char pendant la tempête. Ouais, mais il veut pas en parler, ça, Pacio. Les journalistes ils ont posé des questions, puis ils ont dit, je veux pas parler de ça, là. Ben, pourquoi, dans le fond, il parlerait de ça? Le corps, c'est comme... il agit comme n'importe quel humain. C'est ça, puis tu sais, ça part pas que le hockey. Pacioretty aide son voisin, tu sais. Ouais, ça part pas que le hockey. C'est tout à son honneur, les gars, écoutez, c'est pas une nouvelle, ça. Mais c'est ça, mais tout le monde aide leurs voisins, dans le fond, d'un fait. Moi, j'aime les voisins. J'ai poussé du monde, moi, tout. Moi, je suis resté caché. Puis maintenant, je pense que c'est chez nous qui s'arrange. C'est ça, moi, je regarde par la fenêtre, puis je ris. C'est chier. Je sais que les tiens pognés. En robe de chambre, en satin, ton café. C'est ça. C'est ouverte avec les bugs. Avec une guimauve, est-ce avec pas de bobette ouverte à moitié. Là. Une couille qui dépasse les bugs. Les pantoufles, c'est juste des slips. Là. Ouais, juste les slips, tu sais, en petite feutre. Ça glisse sur le plancher. Là. Dernier extrait de Claude Julien. C'est... Bon, là, on parlait de Petrie qui s'était retrouvé en compagnie de Emeline. Voici ce que Julien en a pensé. Dans le fond, Julien, lui, c'est un vrai, il ne blâmera pas ses joueurs directement en public. Contrairement. Écoute, je vais dire qu'on ne se cache pas des choses, là, mais comme équipe, je suis satisfait. Il y a des choses qu'on va gérer. Quand je dis à l'interne, là, c'est sûr qu'il y a des choses à corriger. Il y a eu des erreurs ce soir qui ont été faites puis qu'on va corriger. Mais écoute, tout le monde connaît des matchs difficiles à un moment donné. Je ne suis pas le genre à pointer du doigt nécessairement, mais je suis genre à essayer de corriger les choses. C'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Et voilà. Ouais, mais attends, là. On dit pas crucifier ses joueurs sur le public, ça peut arriver à un moment donné. Ben, je pense que Claude est le genre de joueur. Est-ce qu'il l'a fait à Boston une fois? Non, je sais pas, j'ai non. pas assez... Typical Julien. Assiduitement. Il va plus essayer d'aider le gars que de régler ses comptes devant les journalistes. Mais partie game de suite, là, ça se peut qu'il crucifie un. Ben, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Mais il va peut-être le faire juste en fouetter un. Moi, dans la connaissance, j'ai jamais vu ça. De Claude Julien. Oh, mais t'es jeune, là. Ben, tabarnak. Ça, c'est arrivé à un moment. T'as-tu vu jouer Claude Julien dans le temps avec sa belle coupe de cheveux? Ben oui, il a joué genre 48 games dans la NHL. Ah, ouais. Mais j'ai jamais vu Claude bâcher sur ses joueurs, jamais. Même à Boston, là, quand il avait la chance de bâcher sur des joueurs, il a jamais bâché sur personne. Quelqu'un, trouvez-moi ça. Là, si vous en trouvez un, envoyez-moi là. Mais honnêtement, j'ai jamais vu Claude GF direct en privé. Gueuler après un... Il va se battre pour ses joueurs, mais je pense pas qu'il va en dénigrer un devant en public. Ça me surprendrait. Il n'y a plus grand coach qui fait ça en public aujourd'hui. Ah, là, pas vrai. En public, OK, non, t'as raison. Non, wow. Dans la chambre, c'est pas pareil qu'en public. Qu'est-ce qui reste dans la chambre, ça va dans la chambre. OK. C'est tout ça que je dis. Je sais pas. À Edmonton, ça m'a fait penser quand j'ai vu Lucic. Hey, Lucic a failli aboutir à Montréal. Avez-vous aimé ça, voir Lucic avec Claude Julien à Montréal? Non. Finalement, avec le recul. Je l'aurais t'sais. Pris, moi. Ben, c'est sûr, aussi, c'est sûr. C'est un outil. Tu connais bien. Tu sais, pour vrai, il peut jouer n'importe où. Il peut jouer 1, 2, 3, 4. C'est vrai. C'est il peut être pratique sur tout. C'est sûr. Fait que là, en fin de semaine, on a une rencontre de deux games en deux soirs contre Ottawa. Puis je pense qu'on joue une troisième fois cette semaine. Ouais. Ben, dans le fond, on joue contre Ottawa samedi-dimanche, plus l'autre samedi d'après contre Ottawa. Okay. Aussi. Ouais. C'est comme une mini-série, man. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Craig Anderson est blessé. Non, mais il va jouer une game. OK, je pensais qu'il était blessé genre pour une couple de jours. Jour le jour. Ben, Condon joue demain. Peut-être que dimanche, Anderson va gauler à Montréal. Mr. Anderson. Mais c'est intéressant de voir, dans le fond, Condon jouer contre, contre Carey Price, le gars qui devait succéder. C'est sûr, certain. Ça va être un bon match, d'après moi. Là, puis, mais ça, c'est important de gagner. Ça, ça va être une petite game parce que ça va être tough. Là. Ah, ça va être comme ça. Ça va ressembler aux séries Burroughs dans la face, man. Ben, ça me dérange moins parce qu'on a plusieurs joueurs qui peuvent jouer sa game. Oui, maintenant. Mais j'ai hâte de voir. En tout cas, ça va être ça. Ben, là, ça va pour deux matchs back-à-back, surtout celle-là dimanche. Là. Ça va être la bon fin pour de samedi, puis celle-là dimanche, dépendamment du score. Là. Ça va être une fiche de 500, tu penses, pour les deux? Ou tu penses qu'il y a une équipe qui va s'en sortir avec deux victoires? Moi, je pense que ça va être 3-1, Sénateur. Les points. On va perdre les deux games, puis une en prolongation. Oh, fuck you! I know. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, mais l'autre fois, il a dit on va se faire péter contre New York pour on a gagné en 4-1. Ouais, ouais. C'est peut-être ma tactique. Vous le dites pas. Non. Moi, je pense que les gars vont être dedans demain. Là. Ah, pour le vrai. Parce que dans le fond, Ottawa, là, c'est pas compliqué. Ottawa. Ton plan de match, là, c'est de déranger. Ottawa de Stassi, ils sont hot en tabarnak. Oui, ils sont hot, mais dans le fond, regarde, ils ont une bonne défensive, mais il faut que tu sois dans face à Eric Carlson. Il faut que tu le sors de sa game, ce gars-là. Ouais, là. Faut pas que tu le laisses faire des jeux. Avec ses cheveux. Non, mais c'est pas juste lui. Là. Non, c'est pas juste lui. L'attaque est en feu. L'attaque est en feu, mais attention, Carl Turris est blessé, fait que c'est dommage pour eux autres, tant pis. Et puis, Mark Stone est blessé aussi. Ouais, mais il gagne. Oui, il gagne. Mais demain. Ça sera une séquence victorieuse. Ils ont-tu gagné contre Chicago, là? Ils ont perdu 2-1. OK. En temps réglementaire. Puis c'est une game plate comme le Cali, il paraît. Donkey Keith, il a dit qu'il a failli s'endormir. Ouais, ben c'est parce que c'est. Mais s'il en fait du 3-1. C'est le style de jeu de Guy Boucher, ça. 1-3-1. C'est son style à lui. Mais les deux équipes ont joué le même style. 1-3-1. Ben. Chicago peut se c'était vraiment le game de tranchée. Chicago peut se le permettre parce que c'est une game à l'étranger. Tu sais, eux autres, ils voulaient aller chercher le 2 points, puis ouais. Chicago sont en feu aussi ces temps-ci. Ouais. Mais ça va être le fun parce que, écoute, on peut-tu dire que c'est deux équipes qui se ressemblent? Peut-être l'offensive de Ottawa est plus punchée, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut rivaliser avec eux. Mon meilleur scénario, c'est que demain, on perd, samedi, dimanche, on gagne. Ça, c'est mon meilleur scénario. Sénateur gagne à Montréal, Canadien gagne à Ottawa. T'es défaitiste. Ben non, défaitiste, c'est 500. Moi, le pire, c'est où ce que je travaille, dans le fond, j'ai gagé avec un de mes collègues de travail, parce que lui, c'est 5$ par game, pour les 3 games, fait que le mieux que je peux faire, c'est 15$. C'est légal, ça, Jean-François? Ben, c'est par plaisir. Avec notre argent, on s'appelle notre café pour la semaine. C'est par plaisir. C'est illégal. Moi, je fais des vols de banque. C'est lui qui me l'a proposé, tu sais. C'est pas moi, je suis pas mon risque. T'as quand même participé. Ouais, puis on a même un témoin qui nous a vu se serrer la main, tu sais. En plus. Un alibi qui en plus, j'ai un témoin. C'est coupable. Oh. Mais non. Là, vous faites, ben, j'ai un témoin. Là. Moi, je vais faire mon optimiste. Là. On va gagner deux games. Restez. Deux games, dont une en prolongation. D'après moi, ça va être. Tu donnes un point à Ottawa. Le contraire de ce que tu as dit. Ouais. Puis, je pense que la game contre Condon, le condon va être percé. Moi, je pense qu'on va la perdre, celle-là. Non, je pense que Condon, il va avoir des cauchemars. Parce que il va revivre des scénarios qu'il a vécu l'année passée. Moi, je serais eux autres, je rentrais dans la tête. T'es un goleur, tu reviens jouer à la maison, tu dis Chris, vous m'avez laissé partir. Non, non. Vous pouvez vous avez il fait joue une à Ottawa. Erreur. Il joue à Ottawa. Il joue non, Condon va jouer à Montréal. Samedi, c'est à Montréal. Ah non, non, c'est à Ottawa. So ah, you're excuse. Fucked. Mais fuck, là. Ça revient au même ça revient non, ça revient. Ben, c'est pas tout à fait la même chose, là. Mais d'après moi, Condon va te choquer demain. Ou je peux te le garantir. Okay. Je le vois dans ma tête. Tu mets un autre 5$. On a plein de mets un 20, mets un 20. Ouais, bon, t'as déjà un mec sur une douleur. Les milieux, hey, je ne pas encore. Par ouais. Miracle, par... Coming soon. Il peut faire 4 points par game pendant 12 games. Si, ouais, c'est ça, je suis content en tabarnak, honnêtement. Là. Mais non, moi, je pense qu'on va y aller avec deux victoires. Puis je vais en tabarnak, on va aller chercher l'autre à samedi. Ottawa va connaître une mauvaise séquence à cause de nous. Puis Boston va les sortir en première ronde. Nous. Boston sort Ottawa en première ronde, puis nous autres, on va affronter les Rangers en première ronde, puis on va les jouer contre Boston en deuxième. C'est une belle histoire, Claude contre son ancien. Moi, j'aime pas les Leafs. Les Leafs? Ah, si, j'aimerais ça. Ah, si on se prend contre les Leafs, il faudrait qu'ils battent genre Washington. Ah, si, j'aimerais ça. Juste en voir, ça fait long. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le Canadien Leafs? De mon vécu, je pense que j'ai jamais vu ça. J'aimerais ça voir ça, man. Ça va arriver un jour. Les gars, c'est pas trop fatigué. Ils sont à une heure, mais pas une heure, mais 50 minutes de vol. Mais c'est comme à Ottawa, dans le fond. C'est pas si long que ça. Non, c'est pas loin. Ah, si, j'aimerais ça voir ça. Ça arrivera pas cette année, mais à moins. Mais on va couvrir les séries encore une fois cette année, nous autres. Puis on espère que ça va être ça. Bon, whatever que ça va être. Ça va être quelque chose, je nous souhaite plus qu'une ronde. Je nous souhaite de ne pas perdre en 4. Voilà. Non, ça n'arrivera pas. Moi, je me souhaite 4 rondes. J'ai de la coupe, je vais aller shiner ma chaise. Il y a encore du monde qui pense qu'on ne fait même pas les séries. Réveillez-vous. C'est sûr qu'on fait les séries. On est très bien positionné. Tu perds les 12 games. Y a-tu un petit X à côté de notre nom? Non, pas encore. Mathématiquement, c'est pas fait encore, mais ça s'en vient. Là. Tout perdre, ouais. Ce que j'ai aimé aussi de Claude Julien, là, c'est qu'il a dit, parce que le monde dit, ah, est-ce que les joueurs, les équipes veulent choisir leur adversaire? Ah, comment? Tu vas pas dire que c'est important? Moi, c'est important que non, je sois le premier. Claude, il a fermé la gueule aux journalistes, puis il a dit, non, nous autres, on veut la première place. C'est comme, fuck you, Jean-François. Michel Therrien disait à ma fête, n'importe quel coach va toujours faire ma fête. Non, mais Michel Therrien, ça n'aurait pas été compris. On n'aurait pas compris du premier coup avec Michel. Arrête. Et voilà. Il n'y aurait pas un coach qui disait non, on va essayer de choisir un adversaire. Fait que, faut que je perde trois matchs d'un dos. Il l'aurait dit de la même façon, mais avec plus de gros. Quand j'ai mes yeux, des frissons quand il a dit ça. Arrête, bon, là. Bon. C'est émotif. J'aime ça. Chris, c'est Canadien, c'est le plus beau temps. Il va commencer à faire beau. À chaque année, j'ai mangé sa tuque à 50$. Calice. Bon, mais là, c'est facile. J'ai rien acheté encore du Canadien cette année en passant. Non, t'as acheté quelque chose, puis t'as fait comme, ah fuck, j'achète quoi, puis j'ai oublié que c'était. Ben, c'était le pop de Carey Price, mais tu as dit que tu me pardonnais parce que dans le fond, ça comptait juste pas. Là. Ouais, parce que c'est un fond de coupe, on va le laisser passer. Ouais, il n'y a pas un coach qui dit. C'est pas parce que j'ai acheté des figurines de McFarlane, de Carey Price et Shea Weber, ça compte pour du stock du Canadien, c'est des figurines de McFarlane. Bon, ça y est. J'ai dépensé 60$. McFarlane. Fuck. Mais voilà. Je suis optimiste pour ce qui s'en vient, puis j'ai hâte de voir. Tranquillement, pas vite, Alex, on va le voir à l'alignement qui va participer au premier match des séries. On va avoir une autre question pour les fans. Êtes-vous optimiste en prévision des séries? Dites oui. Hey, Facebook vient me dire que t'es nearby. Hello! C'est une cochonnerie juste sidebar. Période est finie. Ouais, fait qu'on va aller faire un entraque pour la troisième période. Restez là parce qu'au début de troisième période, on va vous parler du Doc Mayhew qui avait une belle analyse sur Piquet-Souban. Oh. Fait qu'on va revenir dans quelques instants. On est retour pour la troisième période. Là, on va passer le timer et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Oh! Il y a comme des audios qui sont crissement trop forts en ce moment. Là. Ça fait dans le dash. Fait que j'avais promis des audios du bon Doc Mayhew. Fait que j'ai deux bons extraits. Avec impatience. Quand même une minute chaque, je pense. Mais ça valait la peine parce que, tu sais, des analyses de pointe, ça arrive pas souvent. Mais là, on a une solide. Et le Doc Mayhew s'est attardé au cas de Piquet-Souban. Alors, première moitié d'extrait, on l'écoute. Mais maintenant, Piquet-Souban, là, ouais. Écoute, quel énorme débarras. Le Canadien s'est débarrassé, d'ailleurs, tu as vu la réaction des joueurs et de Marc Bergevin. Quel immense débarras. Ah, oh, ben, je suis pas d'accord avec Alors, vous Narcisse est un enfant d'école comparé à Piquet-Souban. Narcisse. Visiblement, les gens ne l'ont pas oublié, par exemple. Vous me parlez des joueurs. C'était après son retour à Montréal. Les gens. Alors, ce n'est pas parce que nous nous sommes montrés discrets que nous ne sommes pas contents d'être débarrassés. Ah oui? Ben peut-être vous, mais pas tout le monde, visiblement. Si on lui réserve une occasion. Pas tout le monde, c'est partagé. Ouais. Maintenant, écoute. Mais pourquoi vous. ceux qui désirent se faire manipuler, ça vous regarde. Mais nous ne sommes pas crédules à ce point. Il est arrivé dans le studio en sautant sur une jambe. Puis, il est fou. C'est-tu qu'il a pas? Fou, man. Puis là, j'ai l'autre extrait après. Puis là, il va revenir sur à peu près la même affaire qu'il a dit sur le cas de Pacioretty quand il disait que cet homme n'est pas masculin et ces affaires-là. Lui, toutes ses analyses, c'est tout le temps par c'est la faute de la mère. Puis t'es pas masculin, ouais, tu l'es trop. Si tu vas voir ce gars-là, man, dans la psychiatrie, oublie ça, man, ta mère, elle passe un mauvais cadavre. C'est la faute de ta mère, c'est clair. Ouais, fait qu'on y va avec la deuxième partie de son extrait. C'est savoureux. Oui, c'est un grand joueur de tennis. Lui, le seul problème avec Subban, c'est qu'il a manqué sa carrière. Il aurait dû faire un joueur de tennis. Franchement, il a gagné un Il aurait été absolument excellent. Catherine, je te dirais simplement ceci. Oui. Que les hommes, oui, avec une émotivité superficielle sont généralement peu masculins et peu inspirants pour leurs conjointes et leurs enfants. Vous trouvez que Piquet-Souban n'est pas masculin? Ben, parce qu'il y a une gang qui ne le sont pas si lui, il ne l'est pas, là. Les hommes avec une émotivité, c'est un puissant manipulateur, indéniablement. Puissant. Hey, vous vous basez sur quoi pour dire ça? Expliquez-nous ce matin, je vous écoute. Il n'y a rien à dire, ce passe-là, c'est quoi? Sa petite larme, son petit bec envoyé à Lise Béliveau. Ouais. C'est un scénario bien préparé d'avance. Fait que vous pensez qu'il est complètement faux quand il fait ça, qu'il ne le ressent pas? C'est un manipulateur, comme on n'en fait pas souvent. Ouais, okay, et c'est au détriment, ce qui arrive, son attitude narcissique et manipulatrice était ou aller à l'encontre de l'esprit d'équipe. Tu ne peux pas être à ce point rempli de toi-même, OK, et faire partie d'une équipe de hockey de haute performance. C'est impossible. Pourquoi tu parles? Parce que je trouve que vos c'est bien malheureux. Ouais, mais tournez ça du côté que vous voudrez, les amis. Ouais. Piquet Souban, c'est tout. C'est un grand athlète. Ce n'est pas un homme d'équipe. Mais ça, on le sait. Ça, il a raison. Ouais, il a raison. Trois minutes pour faire dire du narcissisme. Puis, il fallait qu'il y ait du contenu dans le show. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un show. Hey, oui. Il va chercher ça loin. Mais oui, c'est un show. Il a dit d'avance que ce qu'il avait le plus hâte de faire à Montréal, c'est d'aller parler avec Mme Béliveau. Ils ont fait une conférence de presse pour Souban aussi, comme. Ça reste un show, le hockey, quand même. Ah ouais. La NHL, c'est un spectacle, quand même. Fait non, regarde, écoute, ben, par exemple, ses analyses sont vraiment trop poussées. Pourquoi il parle de hockey, ce style-là? Ouais, en c'est plus, ça, c'est d'après moi, ils sont venus sur le retour de Souban. D'après moi, c'était ouais, peut-être le sujet. C'est quand il était là et il y a eu sa petite larme. Pourquoi qu'un psychiatre commente là-dessus? Pourquoi il y a encore un micro, ce gars-là? Je sais pas pourquoi lui commente le hockey pour commencer, mais faudrait c'est l'animatrice, ce style. Il y a une affaire que Jim a fait remarquer, là, c'est qu'il a dit ah, ben tu sais, il y avait une ovation debout, il y avait du monde pour lui, mais c'est parce qu'au Centre Bell, c'est. Non, mais tu sais, il dit non, mais je m'arrête de moi et tout. Là. Il mérite, tu sais, je dis ça le fun pendant que t'es ici. Ouais. Là, toi, t'es devenu un hater, mon gars. Non, mais c'est il dit ah, il est là pour amener du monde, mais qu'il soit là ou pas là. Non, c'est la fille qui a dit ça, je pense. Elle dit il a amené du monde dans la place. Il est pas là, le Centre Bell est plein tout le temps. Ah ouais. Le Canadien va finir 30e dans la Ligue, le Centre Bell va être plein quand même, puis ils vont vendre des hot dogs et de la bière à 15$. Moi, je me serais levé juste pour honorer le joueur de hockey. Ouais. En tant que joueur de hockey, il était excellent là, pour Montréal. Là. Bon, je ne me l'aimais pas au Ligue nationale. Fait que, ben là, c'est bien parce que c'est venu avec du haut, peut-être c'est... Non, je ne me suis pas levé. Arrête. Non. Si je te vois faire ça, mon gars, je vais te lever. La seule fois que je me lève, c'est pendant les playoffs. Tu devrais tout le temps te lever pendant pour les nationales canadiens au moins. Pendant les séries, je me lève. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ça compte. C'est un. Non, mais ça compte. Ça, c'est la même affaire qu'Alex. C'est un hymne national. T'as pas le droit de faire le nanana goodbye à part c'est des playoffs. Damn fucking right. C'est des fausses affaires. T'es pas supposé de faire ça. Ouais, non, c'est qui ou cette règle-là? Mais parce que c'est le même, ça a commencé. The Unwritten Book of the Road. C'est ça. Le nanana goodbye. C'est pour les séries, Chris. C'est pas pendant une game, style 26 octobre. Calice, ça dit nanana goodbye. Parce que justement, on le verra plus, c'est fini. Ben, à Montréal, le monde, ça. Tu vas s'en belle en haut, puis t'es là, une game. Il écrit bien sur le tu veux chanter, tu sais, quand on gagne. Je comprends ça. Mais, ça prend une autre chanson. Tu devrais t'élever par la Ligue nationale, même des Américains, whatever. C'est juste un signe de respect. Ouais. C'est tout. Parce une guerre civile. C'est une niaiserie que. Le monde s'en rendra pas compte. Pas ça. Ils vont te filmer à télé, ils vont juste mettre toi qui est assis, genre, en gros plan. Mais trop pas. Marqué dans le bas, Monsieur Mallette. Là, puis, ils vont dire, bon, regarde le petit coup qui veut faire sa protestation. Je vais faire comme si je textais. I was busy. Fait qu'on va faire le tour des petites nouvelles de la Ligue nationale. Là, mais pendant la série, ça compte. Ah, là, je me lève. Pourquoi? Non, c'est sûr, je me lève puis quoi je chante. Quoi la différence? Ça compte. Mais c'est quoi la différence? Whatever. Ça compte. C'est une question de survie. Oh, please. Dan Bylsma se fait ramasser à Buffalo. Les journalistes veulent sa tête et une rumeur circule sur le fait qu'il y aurait de la tension entre lui et Jack Eichel. Ouais, parce que ça va pas bien à Buffalo. Le monde pensait que Buffalo. Quand ça a été bien à Buffalo. Fait longtemps. Non, mais tu sais, c'est sûr que tu as Jack Eichel, tu as fait des transactions, tu penses que le club a des chances. Puis là, ils veulent sa peau, tu sais. C'est comme. Vrai, c'est à part. Même Lindy Ruff, t'es pas capable de les faire jouer en playoff. Là. Hein? Une demande. Même Lindy Ruff, il n'a pas fait le même playoff avec les Sables. C'est ça, tu sais. Il en a fait moins qu'il en a fait plus. Le DG devait être là pour aider l'équipe à surmonter un obstacle. Ça ne fait pas de suite de même. Là. Non, mais l'affaire qui est. C'est ça. Puis apparemment, Madame Blasma, ses jours seraient comptés. Ouais. À Buffalo, ce qui me trouve drôle, c'est que je trouve que les fans sont beaucoup trop émotionnels. Ouais, c'est toi qui dis ça à 6 mois. Mais pour vrai, ils ont vraiment juste des équipes de marde. En plus, ils ont les Bills. Ils sont écœurés. C'est pas une ville championne du tout. Tu devrais être habitué d'avoir la médiocrité. Ah ouais, c'est des bras, des bas fonds à croupir. Let's go. Là. C'est ça, mais ça chiasse. C'est une ville de losers. C'est faute du coach, est-ce-tu, Buffalo? Ils en ont eu un bon coach par les années. Rien plus c'est parce que tout le monde voyait en Dan Blasma un genre de sauveur parce qu'il a gagné la Coupe à Pittsburgh. Il n'y en a pas de coach sauveur, oublie ça, ça se fait pas. C'est l'équipe et le coach ensemble qui peuvent faire. C'est beau mettre Babcock à Toronto, ils n'auront pas la Coupe Stanley la première année. Là. Même si c'est payé 10 millions par année. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de coach sauveur. Ben, de toute façon, Dan peut bien manger de la merde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dan, il dit. C'est Dan, il n'est pas content. Alex a lu son livre. Puis apparemment aussi, ou ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ne veulent pas le mettre dehors parce qu'ils ne veulent pas coller l'étiquette du coach killer à Jack Eichel. Ça, c'est les espèces de blogueurs de Buffalo. Chris, tu lis des blogueurs de Buffalo, mais t'as bien trop de temps. Hein, faut que je mette du contenu, aussi. Travailles-tu? Oui, je travaille. Ah, il vend des chars, mon frère. Vends plus. All the time. Si t'arrêterais de les ça, tu pourrais vendre encore plus, Jeff. Plus. Mon travail, c'est. T'aurais fait un meilleur prix à mon frère. Ouais, il a fait un bon, c'est ça qu'il dit tout le temps. Il a fait un bon, ça. Oui, ben content. Ouais. Oh, il l'a tué. Ouais, l'important, c'est le client est content. Il sait pas j'ai suggéré la fin. Il est content. Il est content de s'avoir fait fourrer. Il est content. Il sauve de l'argent. Puis en tout cas, on ne rentre pas dans les détails parce que c'est un dossier qui est confidentiel. Ouais. T'en parles un tantôt qui est content. Puis il s'est fait shafter. Ben non, il est content. Il est content. Un autre point après ça. Rien ne va plus pour Matt Duchesne rétrogradé sur la troisième ligne pendant que Henry Gâteau se retrouve sur la deuxième. What the fuck? Est-ce que ça pourrait affecter la valeur sur le marché de Matt Duchesne? Je pense pas. Le marché est pas mal fermé en ce moment. Je pense pas. Hey, pour de vrai, là, les Avalanches, c'est la pire équipe depuis le lockout de la NHL. Ben, enfin, ils ont eu une bonne saison quand Roy a commencé sa première année. Non, je parle cette année, là, c'est la pire fiche depuis le lockout. Puis le pire, c'est que je leur souhaite de pas gagner à la loterie. Ah, j'espère. C'est comme fuck you, Joe. Hey, c'est imbécile. Pour de vrai, là, ça, c'est comment fucker un team, mon gars. Là. Ben, tu penses que Joe est capable de remonter ça? C'est Big Islanders, man. Il faut le faire, là. Ben, parce que dans le fond, il était déjà. Tu sais, Landeskog, Nathan MacKinnon. Ils ont tout repêché à l'avant. Ils n'ont rien repêché à la défense. C'est un peu comme les Oilers. Ouais. La meilleure façon de se replacer, c'est qu'ils changent un de tes gros joueurs. Puis, Joe Sakic, il a fucké à patente quand il a changé Ryan O'Reilly, qui était techniquement le meilleur joueur de centre. Là. Ouais, mais. Ouais, il n'y a rien eu, Chris. Il y a eu Focal. Il y a eu Grigorenko. Il y a eu l'autre défenseur, là, le je ne sais pas quoi son nom, Zanin. Grigorenko, il avait été prometteur, mais il a vraiment crashé. Ben, il n'y a rien fait. Il était prometteur sur le coup. Le pire, c'est qu'il y a tout le monde le voyait à Montréal. Ouais. Ouais, c'était un bon prospect. On s'entend que dans le temps, c'était un bon prospect. N'importe qui a un peu de talent, tout le monde les voit à Montréal. Il devait sortir top 3, puis il a droppé genre 13, 14e. Puis Buffalo leur pêchait en disant « Ouh! » Finalement, c'est comme « fuck that shit ». Ben, ils ont été chanceux, tabarnak, parce que Grigorenko l'a ramené Ryan O'Reilly. Il était à la table, il était comme « ouh! » C'est ça. T'as vu ça, le gars, il recheck sa liste qui date du mois de janvier. T'es comme « oh shit, Grigorenko, il est top 3. » Puis là, deux semaines après, il y avait un gars dans la foule qui avec les bras dans les airs. « Voyons donc, hosti! » Ben, finalement, il y a eu Ryan O'Reilly, le gars qui rentre dans Tim Hortons avec son char. C'est vrai, c'est lui. C'est Ryan O'Reilly. Ben, c'est bon. Il est Irish, justement. C'est sa fête aujourd'hui. La Saint-Patrick. Il est sous avec ses doigts pleins de sauce. Vomis de la bière verte. Bonne fête de la Saint-Patrick. cette fête de la suprématie blanche. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui se passe à Buffalo. Ouais, vomis dans l'allée de la bière verte. C'est ça qui se passe à Buffalo. Oh non, mon foie! Ah, c'est de la bière verte. Prochain point. Henrik Lundqvist sera absent pour une période de 2 à 3 semaines en raison d'une élongation musculaire. Jeff qui demande est-ce que son absence pourrait affecter sa performance en série. Oui. Ben, c'est sûr que si tu rentres dans la série et tu n'as pas fait les 2-3 dernières semaines, ça va affecter probablement la première un ronde, peu. Ça là. Peut affecter, effectivement. S'il rentre, revient d'une blessure, pendant la série, retrouver ton game shape, ton timing. Sa première game, mettons, c'est match numéro 1, ouais, son retour au jeu, ça mettons. Ça peut l'affecter. Mais chier, pas longtemps. C'est chier parce que la raison pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que ça pourrait être nos adversaires. Si on gagne nos 3 games contre Ottawa, là, mettons que c'est dans la poche qu'on joue contre les Rangers. Ouais, on va sûrement jouer contre eux autres. Mais ça va l'affecter, mais... Je suis content parce que ça, c'était comme un payback bon quand même, par rapport à quand on a perdu avec Chris Kreider puis toute cette gang-là. Là, on va pouvoir... Il est encore là, Kreider? Oui. Il est encore là. Ouais, il est encore là. Tu t'es arrangé pour qu'il y ait un range dans la face ou un trousseau de clé, là? Bon, d'après moi, Kreider, il va savoir des coups de mitaine, là. Tu sais, c'est... on est les gars pour le protéger. Si Kreider gagne la main, il va se faire ramasser en esti. C'est pour ça que moi, j'aurais confiance qu'on remporte la première ronde contre les Rangers. Ça peut virer, par exemple. Puis long quiz. Parce que l'année qu'on s'est fait sortir en 4 contre les Tampa Bay, on les avait battus pendant toute l'année et tout. Puis l'année qu'on... Les autres nous ont battus, on les a sortis en 4. Ça... L'année qu'on a sorti en 4 de Tampa Bay, tu recules loin en Chris. Ouais, mais on c'est dans le temps de Vinny Le Cavalier puis Martin Saint-Louis, ça. Je te dis ça. Ouais. Puis l'année qu'on les avait clenchés, on s'est fait battre en 4. On les a gagnés tous. On s'est fait battre ouais, en 4. Ouais, excusez, là, mon français. En français. Mon français. Pendant l'année qu'on s'est fait battre en 4, on les avait battus pendant toutes les games de l'année. On s'est fait sortir en 4. Paf. Tout le monde dit au début, on va gagner, c'est sûr. C'est pour de vrai en série. La confiance. Non, ça veut rien dire. Ça, bref, ils ne font pas peur, les Rangers. C'est une nouvelle saison. Ils ne font pas peur, mais ils sont une meilleure équipe en défense que nous autres. Ouais. Ils sont quoi? Ils sont meilleure défense que nous autres. Bon. Ryan McDonough, après, a eu 18 commotions, c'est plus le même gars. Ah, il est quand même assez bon. Il est bon. Il est bon. T'as vu dans le game que, mais, même si on a gagné, il a bien joué. Il est bon, mais. Ils sont plus solides, ils sont plus gros. C'est un bon hip check. On a Marca. Ils sont plus gros, mais ils ne fessent pas. Ils sont gros, ils sont forts. Ouais, ils ne frappent pas, par exemple. Ils ont Kevin Klein. Ouais. Mais ils sont plus gros, mais ils ne frappent pas. Ah, ouais. C'est Mark Stahl qui frappe. On enverra la barbe à Jordy Ben se battre avec les autres. Là. Ouais, c'est ça. Fuck you. Prochain point, la masse salariale pour augmenter à 75,5 millions pour la saison prochaine. Donc 2,5 millions de plus. C'est juste si les joueurs, ils donnent. Ça me surprend qu'ils refusent. Ah, moi, je pense qu'ils vont dire OK, on arrête. Tu penses qu'ils vont dire, ils vont prendre leur clause et on l'augmente encore de 5%? Ben oui. Ça n'aide pas les joueurs, ça, à long terme. Ben, t'sais, ça peut permettre certains. Ouais, ça m'en fait qu'il arrête. Si l'escroc, ils perdent. Quand ils font ça, l'escroc, il faut qu'ils en donnent encore plus à la ligue. C'est ça, mais d'après moi, ça. Ça coûte cher, là. Un gars qui gagne là, 100 000, 200 000, 300 000 par année, là, il faut qu'il donne 20% de son salaire. Ouais, mais là, il y a la chance d'avoir plus d'argent parce que là, dans le fond, les équipes vont. Non, plus parce que ça va toujours au même joueur. Le joueur quatrième trio, c'est pas lui qui reçoit plus de cash, man. Lui, il va pouvoir, une fois qu'il en donne plus à la ligue. Ben, mais je pense pas que ça va aller jusque-là. Il y a plus de joueurs de 3, 4 trios, deuxième trio qui gagnent moins cher que les joueurs de premier qui gagnent 8 millions. Ouais, là. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle NHL, la majorité de ces joueurs-là, c'est beaucoup de jeunes joueurs. Là. 20% de ta paye. Mais justement, ils gagnent pas des millions, les jeunes joueurs. Ouais, mais c'est rendu qu'ils ont des assises bonus. 20% de ta paye, c'est pas d'impôt, puis rien, là. Faut que tu donnes 20% de ta paye à la ligue. Là, présentement, cette année, c'est à 13. 13, 16. 20% après ça, l'impôt passe par-dessus. À un moment donné, ça paraît. Ça coûte cher, Chris. Ouais, fait que cette année, moi, je pense qu'ils ne devraient pas le faire. Ils devraient le laisser à la même place, puis that's it. Mais sûrement qu'ils sont épais, puis ils vont le faire. Ben, c'est du ça. Parce que les grosses vedettes, eux, vont dire non, on le fait. On dit fuck you. Il y a Vegas qui ont signé leur premier joueur de leur histoire, soit le jeune Reed Duke, alias Duke Nukem. ça, c'est les jokes à GF sur le papier. Là. J'étais bien fier. Il joue dans la Ligue de l'Ontario, ce gars-là. Puis il y a Vegas qui voudrait commencer. Il pourrait Vegas. En fait. Vegas pourrait commencer à faire des transactions avec d'autres équipes dans la ligue. Ouais, on a traité des choix. C'est ça, dans le fond, j'ai su que l'année d'expansion avec Minnesota puis Columbus, le Canadien avait échangé des choix de repêchage pour convaincre l'équipe à protéger repêcher un de leurs joueurs. Protéger des joueurs. Je disais, hey, repêche pas, par exemple. Prends pas Jordy Ben, puis je vais donner un choix de deuxième round. Tu as le droit de faire ça. Ça pourrait arriver. Ce qui est un loophole. Sûrement qu'il va arriver. Penses-tu que, parce que là, on a un choix de deuxième ronde de plus. Mm-hmm. Est-ce que Bergevin pourrait faire de quoi? Est-ce que ça vaut deux choix de deuxième ronde? Oh, oui, pour juste le protéger. Mais oui. Moi, il pourrait se ramasser genre avec comme 20 choix de deuxième ronde l'année prochaine. Ben, ça pourrait être bon parce que ça va comme bâtir leur équipe de Québécois. Mais c'est un loophole. Je pense pas que toutes les équipes vont le faire. Mais il y en a pas mal qui vont le faire. Ça peut être un choix de premier, c'est pas un choix de deuxième. Ça, on peut se le permettre parce que si on échange un choix de deuxième ronde, on en a un autre pareil. Il y a des équipes par contre qui ont comme peut-être échangé leur choix de deuxième ronde à date limite. Il y a beaucoup de teams qui ont beaucoup de choix. Ça se traite juste des choix. Oui, les vieilles équipes, dans le fond, des équipes qui n'ont pas eu playoff, qui ont ramassé des choix à date limite. Des choix à ça. Fait qu'il y en a plein que, en place de protéger un joueur de plus, ou ils ont tous protégé un joueur, puis il faut qu'ils en protègent un autre, ils vont trader un choix à la place. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais moi, je prie de tout mon cœur qu'un gars comme Plekanec ou Emeline quitte l'équipe au repêchage. Plekanec peut-être, Emeline. Ça coûte cher. Plekanec, ça serait. Mais ça coûte mieux. Cher, les deux coûtent cher. Moi, je sais pas. En tout cas, je serais Vegas, je serais comme. Ouais, mais c'est parce que. Ça dépend mes scouts, qu'est-ce qu'ils me disent. Il faut que Vegas atteigne leur plancher salarial. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, mettons, c'est 55 millions. Là, ils n'ont pas le choix d'aller chercher ça. Plekanec, ce qui est intéressant, là, que c'est sur la masse salariale, c'est 6 pour 1. Il en vaut 6, pour mais il va en coûter 5. Ouais, pour un an. C'est ça, fait que c'est pas si pire que ça. Puis après, il va arrêter de jouer. Il devient un asset. Mais quel âge, Astor, le Plekanec? Il doit avoir à peu près 36-37. Il peut avoir un autre contrat, mais il n'est pas 36-37. Il est rendu là. Il est-tu notre âge, Esti? Je pense qu'il est 33-34. Ouais, je pense qu'il est plus 33. Il est plus vieux que ça, d'après moi. 36-37, c'est mon âge. Je me dis que c'est plus jeune. Mais Plekanec, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'en allant chercher Plekanec à Vegas, ça leur donne un asset pour pouvoir aller chercher des choix repêchage à date limite des transactions. Parce que vu qu'il est joueur autonome, il pourrait chercher d'autres prospects, d'autres choix. Fait que moi, je pense que Plekanec serait un bel atout pour Vegas. Je leur souhaite. Il y a quel âge? Il y a 35. Bon, tu vois. Au milieu des deux, c'est bon. Il est 1982. Fuck. Voilà! That's me. 31 octobre 82. À l'Halloween! Oh, Plekanec, déguisé en laitier. Il me reste deux petites affaires, dans le fond. C'est la course au trophée Maurice Richard qui commence, et puis on veut savoir si Pacheco a des chances de l'emporter parce qu'il est dans le top 5. Donc, voici les 6 premières positions. C'est les meilleurs marqueurs ou les meilleurs pointeurs? Les meilleurs marqueurs, les compteurs de points. Les meilleurs pointeurs, donc... pas pointeurs, marqueurs, c'est ça. Voilà, j'ai dit le bon terme. C'est le premier qui va gagner. Donc, première position présentement, Brad Marchand, 37 buts, 11 matchs à jouer. Deuxième position, Sidney Crosby, 35 buts, 13 matchs à jouer. Troisième position, Vladimir Tarasenko, 34 buts, 12 matchs à jouer. Quatrième, Evgeny Malkin, 33 buts, 13 matchs à jouer. Cinquième position, Max Pacioretty, 33 buts, 12 matchs à jouer. Et en sixième position, Patrick Laine, 33 buts avec 11 matchs à jouer. C'est clair que Marchand a comme un... Marchand pourrait gagner le Hart Ross, le Hart et... Ouais, parce que Marchand était en feu dans l'Ouest. Là. Boston jouait... je pense qu'il a compté comme 4 buts dans l'Ouest. Là, ça pourrait être le joueur le plus utile à son équipe. Pour un gars, Claude Julien, il a dit t'as pas ce qu'il faut, mais si tu travailles fort, peut-être que tu peux l'avoir. Le monde chiale pour ça, parce que j'en viens pas. La NHL est rendu où c'est lui qui gagne le Hart. Ben, tu sais, le gars, il joue bien. Il joue Hart. Il joue crissement bien, là. Ouais, c'est sûr. Ben, l'affaire qui arrive, c'est dans le fond, la question que je me posais pour les fans, je vous la pose à vous d'ailleurs. Oui. Est-ce que Max a des chances de remporter le championnat? Oui, oui. Mais il est juste quoi? Ben, là, il y a plus. Faudrait que Marchand remporte. C'est pas aujourd'hui, ces chances-là? L'avantage que Pacioretty aurait, c'est que le Canadien, d'ici la fin de la saison, vont jouer contre la majorité de leurs matchs contre des clubs qui ne feront pas les séries, des clubs faibles défensivement. Ouais, des fois, ça peut être une... Ben, Pacioretty a cette manie-là... It's a trap! It's a trap! Ça pourrait être le cas, mais Pacioretty a cette manie-là qu'une game va scorer deux buts. Fait que mettons qu'il compte deux buts en fin de semaine. Marqueur de 30 buts, là. C'est ça. Mais c'est parce que ça va vite, là. C'est pas un but par semaine, là. C'est deux buts. Je te sors les stats. Mais il compte deux buts, il est à 35. Ce serait cute que Petro. Ah ouais, t'as encore la même cette affaire année après année. Est-ce qu'il va se rendre à 40? Ça va être tough. Au début, je me disais qu'il y aurait pas de. Je pense qu'au début, je me disais qu'il n'y aurait peut-être pas un marqueur de 40 buts la première fois cette année. Pour remporter le trophée Maurice Richard. Il peut encore le faire. Je pense que là, Marchand, il est sur le bord. Il y a quoi? Il y a 35, 37. Il va se rendre à 40. Mais même Pacio pourrait. Il faudrait qu'il y ait une bonne séquence. Là. Il n'a jamais été capable. Mais là, dans le fond, c'est sûr que si présentement, il joue avec Galchenyuk et Radulov, les chances sont là pour qu'il puisse performer. Il fait un tour de chapeau pendant une game contre Ottawa. Il est premier. C'est holy fuck. Il est 36. C'est ça. Ben, ça va être à suivre, mais ça va être intéressant parce que dans le fond, ce que je veux faire avec ça, c'est qu'au prochain show, je vais refaire le décompte puis on va suivre la progression. Okay. De Pacho. On va souhaiter que notre capitaine gagne le trophée Maurice Richard. Hein? Puis que j'en vois pas un dire le pire capitaine de l'histoire gagne le premier Maurice Richard à Montréal. Ouais. Si c'est le cas, voici le revers de la main. Il y a personne qui dit cette année qu'il est le pire capitaine. Je l'ai entendu. Encore. Parce que t'écoutes Six Money. Non, parce que je suis trop souvent dans les réseaux sociaux. C'est ça, Tony. C'est trop de blogs et d'affaires. C'est à Buffalo, ça. C'est une maladie. Pour finir, avant de faire le call-out à JF, t'avais de quoi, JF? Tu voulais qu'on parle de Steve Ott? Oui, chapeau à Marc-André Grondin ou Marc-Antoine Grondin de La Presse. Non, Marc-André Grondin, ça, c'est l'acteur. Ça. Ouais, c'est le gars qui joue dans Goon. Il a fait une petite entrevue avec Steve Ott pour qu'on puisse apprendre à le connaître, savoir si c'est qui ce joueur-là, Steve Ott. C'est le gars qui fait des grimaces. Ouais, c'est lui qui fait des faces de mon gars. C'est lui, là, ici, qui fait des petites grimaces c'est comme ça. C'est qui ça, Steve Ott? Comment ça qu'il est de même? Tu sais, c'est... Fait que, dans le fond, là, pour faire un résumé en partant de très jeune âge, c'est un fils... Ah, Barnac, tu ne feras pas sa bio, là? Ben, rapidement. La période est finie, est-ce que... Dans le fond, c'est ça, ses parents, c'est des militaires. Alors, sa mère s'occupait d'un dépôt d'armes, puis son père est en charge d'une flotte d'hélicoptères. Des Américains? C'est des Canadiens. C'est des Canadiens. C'est un Canadien, puis on s'entend que quand tu es militaire, c'est discipline. Il faut que tu fasses ton lit, puis il faut pas qu'il y ait une craque. Dans le fond aussi, il a voyagé beaucoup. T'as jamais vu des militaires? Oui, okay. Je connais ça. Fait que c'est ça. Puis ses parents voyageaient beaucoup à travers le Canada parce qu'il y avait comme différentes bases tout ça. Fait que, non, au Canada, on a juste une base. Il y en a plusieurs. En plein milieu. En plein milieu. Au Yukon, quelque part. Là. Il y a 4 jets, 2 tanks. C'est ça. Mais vu qu'il a voyagé beaucoup quand il était jeune, dans le fond, lui, il se disait qu'à cause de ça, dans le fond, il a comme appris à s'adapter facilement dans ses nouveaux environnements. Puis c'est ce qui fait que, vu qu'il s'est fait échanger quand même beaucoup de fois depuis qu'il était à Dallas, ça s'adapte bien il a joué à Buffalo, il a joué à Saint-Louis, puis là, il a joué à Détroit, puis là, c'était à Montréal. Ça l'a aidé à s'adapter dans son nouvel environnement parce que, dans le fond, c'est... Quand il est resté stable, c'est à Windsor, c'est là qu'il a connu son junior. Là, puis c'est là qu'il a rencontré Zach Cajun. Ils sont devenus des chums. Là. Puis là, il y en a rendu là au Canada. Ouais. Ouais, ben c'est une bonne guerre. Moi, je jouerais contre Malette, c'est sûr, je ferais ça. Puis lui, il dit, dans le fond, il a posé la question, il dit, t'es quel genre de joueur? C'est quoi ton rôle? Puis lui, il a dit, moi, là, j'aime ça emmerder l'adversaire. Mais il dit, tant qu'à emmerder, mettons, un goon style, mettons Chris Neal contre Ottawa, il dit, fuck Chris Neal, là. Il dit, moi, je vais aller emmerder le meilleur joueur de l'autre équipe parce que là, tu fâches toute l'équipe au complet. Fait qu'il sort de leur game, c'est son rôle à lui, c'est de rentrer dans la peau de l'adversaire pour les déconcentrer puis aller pogner des deux minutes puis y mettre dans l'ordre de ça. Il l'a fait très bien à Dallas puis il l'a fait aussi très bien aussi à Saint-Louis l'année passée. Tout ça à cause qu'il y a des paramilitaires. Oui. Ouais. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que là, il a dit, ah, OK, t'arrives à Montréal, tu es déjà un vétéran, t'as 35 ans, parce que là, c'est le plus vieux joueur de l'équipe en avant. Là. Dans le fond, il est plus vieux que Plekanec. Puis là, il a dit non, moi je respecte. Dans le fond, lui, il dit, moi je laisse les gars faire sa place, puis tranquillement, pas vite, je vais essayer de gagner leur respect. Fait que c'est vraiment un gars d'équipe, puis j'apprécie ça. Puis le fait que c'est un gars d'équipe aussi, là, il y a une petite anecdote qui est arrivée à Dallas. Là. Il y avait une recrue qui était Matt Niskanen, qui se promenait en Pontiac Sunfire, un esti-charlette. Puis lui puis Marty Turco, ce qu'ils ont décidé de faire, là, c'est... ils ont acheté un char. Ils ont pimpé son char, comme on peut voir. Ça, c'était son char qu'il avait, Niskanen. Fait qu'ils ont pimpé son auto. Ils ont dépensé 20 000 piastres. Ça, c'est Matt Niskanen, avec son casque à la tête. Ça venait avec le char. Ah. Puis ils ont pimpé son auto. Qui est, ça, c'est l'idée de Steve Ott et Marty Turco. Puis dans le reportage ici qu'ils ont fait à Dallas... Ils ont carrément. Le gars, il a dit, il était surpris, puis il était comme content. C'est la première fois que quelqu'un me faisait un cadeau de même. Sauf que le char, il était là en tabarnak. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu le char, puis ils ont pris l'argent, puis ils l'ont donné à une fondation aussi dans le besoin. Okay. La fondation Mike Ribeiro pour les gens qui boivent de la boisson. Ça, c'est une blague, là. Fait que, tu vois, ils ont pensé à tout. Des stripes vertes dans le char, c'est vraiment en couleur des soldats. Puis ils ont mis son surnom qui s'appelle Niski, là. Fait que ça, c'est, je trouve, un geste le fun de Steve Ott qui fait que ça rapproche les gars. Même la journaliste, la jeune demoiselle qui est ici, elle a demandé, tu te sens-tu que tu fais partie de l'équipe avec ça? Puis il dit, c'est sûr, je suis content. Mais les gars, ils pensent à moi et tout ça. Et Chris, ils ont quand même mis un gros système de son là-dessus. Puis il a dit, I never saw, j'ai dit en français, j'ai jamais vu un système de son gros de même de ma vie. Ben, tu sais, Matt Niskanen, c'est un gars qui doit venir de loin. Là, fait que, tu sais, ils ont pensé à tout. Là, honnêtement, là, s'il avait enlevé les stripes et toutes les cochonneries qu'ils ont mis sur le char, ça aurait été un beau char pareil pour un gars, mais tu sais, un Pontiac Sunfire. Ça reste un beau geste. Ouais, c'était cute. C'est beau. T'as-tu fini ton résumé? J'ai presque fini. Ouais, Steve Ott aussi, ce qu'il aime faire, c'est un gars qui aime faire des blagues, mettons, quand il va à l'étranger. Lui, il aime bien ça, comme prendre tous les meubles qu'il y a dans la chambre d'hôtel puis les crisser en salle de bain. Puis pendant que le gars replace ses affaires, il enlève les ampoules. C'est un peu à la marque Bergevin. C'est comme c'est chiant, mais. Il se cache dans un sac de joueurs. Ben, quasiment. Fait que Steve Ott, il a l'air d'un gars qui aime ça comme, comme être le clown un peu du club. Puis il y a aussi une belle affaire que j'ai bien aimé. Là, il y a de l'expérience en playoff. Puis l'année passée, Saint-Louis, ils se sont rendus en finale de conférence. Mm-hmm. Puis David Backes était blessé. Il avait mal aux jambes. Il faisait des massages. Il était day-to-day. Steve Ott, il jouait, mais dans le fond, c'est comme s'il prenait sa place à David Backes. Fait que ce qu'a fait Steve Ott, c'est qu'il avait une crème spéciale. Puis il est allé cogner chez David Backes pour lui dire, il dit, écoute, si toi tu joues à soir, tu vas être plus utile à l'équipe que moi je le serais. Fait que je te passe ma petite crème, puis mets ça sur sa jambe, tu vois, tu vas être correct à soir, ça va comme te permettre d'endurer la douleur. Puis comme de fait, il a pris la crème, il a été correct pour la game, il a joué. Connu. Les Blues ont été éliminés malheureusement ce soir-là. Mais j'ai lu. Chris, les gars, je me renseigne. Moi, mon cerveau, c'est comme une éponge. J'aime ça prendre de l'information puis l'insérer. Ça déborde. Fait que là, David Backes en entrevue, je l'ai pas mis là, parce que je trouve ça un peu long. La petite crème. Ça, c'est l'histoire de la petite crème de Hot. Man. Ben oui, mais la crème à Jacques de Mers, là. Deep Cold Therapy. Crème de Hot. La crème de Hot. Puis David Backes a rendu hommage à Steve Ott pour lui dire que ce gars-là, dans le fond, il y a jamais massage. Un gars qui a fait ça pour moi, puis tout ça, c'est rare. Là. C'est le first time a man déjà donné de la crème à quelqu'un qui a mal. T'as déjà donné de la crème à quelqu'un. Non, Alex, il me regarde me casser la jambe, puis il dit ouais, conduis le char, reste-tu dans la jambe, pété, on s'en crisse. Take it like a man. Ben, c'est ça, je trouvais ça le fun. Puis je pense que Steve Ott va amener un élément à Montréal qu'on avait peut-être perdu en cours de route pendant la saison. Et il se fait l'année prochaine. Fait que je suis bien content de Steve Ott, puis si jamais il offre des bons services, je pense qu'il pourrait être un quatrième centre peut-être à Montréal, tout dépendant du prix. Un massothérapeute avec sa petite cam. Et voilà. C'est un gars d'équipe. Kirk, t'as une bonne idée, Kirk. Une bonne petite. est-ce que tu avais terminé? T'avais-tu un call-off finalement aujourd'hui? Ou, C'est sûr. Bon, c'est... fait qu'on part le call-off pour terminer le show. Mes écouteurs vibrent. Je vais juste commencer par mon préféré, là, Philippe Quentin. Là. Toujours. Vous savez comment que j'aime... Le philatéliste? Tantôt, tu me l'as dit, tu es optimiste, je suis bonne humeur, Canadien, nanana, on gagne. Et Philippe Quentin, je l'écoutais à la radio cette semaine, puis il a dit, je veux pas être le casseur de party, là, mais les Canadiens n'arrivent pas à marquer des buts. Philippe, laisse-moi t'expliquer une chose. Des buts, il n'y en a pas autant que ça dans la NHL. Contre des buts! Aussi, là, je sais pas si tu as déjà regardé la face, là, mais t'es dans le cahier sport. Tu as l'air d'un gars qui devrait couvrir les salons mortuaires au lieu de parler de politique dans le sport. Couvrir les salons mortuaires. Là, tu vas arrêter d'être négatif. Tu vas trouver des bébites parce que tu trouves que Marc Bergevin est peut-être un petit peu plus musclé que toi. Déjà, que je pense que tu as la misère à élever un dumbbell de 5 livres. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à être encouragé et puis... Pensez positif, mon Philippe. Parce qu'avec la face que t'as, mon gars, là, il manque un petit peu de couleur sur ton visage. Il faudrait que tu sois enjoué. L'été s'en vient, esti. L'hiver est fini. Arrête de paraître, esti, comme si c'était invisible dans la neige. Décris. L'autre, c'est Martin Leclerc. Martin Leclerc, là, c'est un journaliste de Radio-Canada. Et puis... Hey, attends une minute. Laisse-moi parler de Martin Leclerc. Marty. Mon ami Marty. Le gars qui a écrit le livre Game Over de Éric, comment il s'appelle dans le pitcher, qui se piquait de son cul, Éric Gagné. Ouais, qui c'est un assez bon pitcher. Là. Ah ouais, en vrai, c'est ton hostie spell ouais, out. Mélange-moi pas. Martin Leclerc, journaliste de Radio-Canada, non crédible. La raison pourquoi tu es tout le monde en parle, c'est parce que tu es à Radio-Canada. C'est juste pour ça, là, c'est pour bien paraître là, pour le réseau. Là, tu as sorti une nouvelle aujourd'hui comme quoi que Radulov aurait menti pour son âge pour accéder à la Ligue nationale. D'où c'est que ça sort, ça, tabarnak? Martin Leclerc, là, moi, t'apprends une chose, toi. Si tu voyages beaucoup de journal, à TV, à radio, à écrire des livres, c'est parce que tu fais dur, asti. T'es même plus crédible, tabarnak. Ton chef de syndicat au Journal de Montréal, là, m'en dis donc comment il te trouve, asti. Tu vas voir, il va te répondre, il va t'écrire une belle lettre comme que t'aimes les écrire, là, puis il va te dire de quoi t'as de l'air. T'es aucun crédible. Surtout quand ton grand chum, que selon toi, c'est un analyste expert qui mérite d'être au temple de la renommée, Michel Villeneuve, tu mérites juste de rester chez vous. Continue à écrire des livres pour enfants, esti. On s'en calisse de toi, Martin Leclerc. Puis tu peux bien aller au 91.9, esti de radio poubelle, Chris. Hey, Non. Franchement, il y a du monde qui t'écoute présentement qui écoute la 91.9. C'est puis ça. Je pense que c'est la radio qui se rapproche plus de ce qu'on est en train comme... de faire ici. Fait que... Ouais, mais nous autres, on peut dire ce qu'on veut, mais eux autres, c'est parce qu'ils sont payés pour le faire. Non, ils disent pas mal ce qu'ils veulent. Martin Leclerc, je te check. Il pointe avec son autre doigt. Ah ouais, hein? Mallet and Saints, coming off the trains. Mon plus kind things. Alors, c'est ça. En passant, juste une petite parenthèse, à History, avoir un documentaire sur Jean Béliveau avec des comédiens et tout, avec Daniel Brière. Ça va jouer mercredi à 22h à History. Je vous suggère fortement Daniel de l'écouter. Daniel Brière, l'acteur ou Daniel Brière, l'ancien joueur? Daniel Brière, le gars haïssable, le gars que tu as haï. Celui avec le teint de Tylenol? Oui, c'est lui qui fait le vilain dans la série Béliveau. Il dit « C'était mon équipe, c'ti! » C'est ça, j'ai vu dans la bande-annonce. Là, mais OK. Ben, Daniel Brière, non, c'est un autre gars que je déteste. Comme moi, je tiens à dire « Je t'aime bien Martin Leclerc. » J'aime pas tes analyses. Moi, je les aime pas, je les lis, mais je ne t'aime pas. Voilà. Un gars qui écrit des livres, fait de la radio, fait de la télé, fait de la... Multidisciplinaire. Still no popular. Ça veut dire qu'il fait bien sa job. Ben, c'est parce que... Voilà, on vous laisse. Tu peux écrire des livres, mais l'important, c'est que t'en vends. Régent Tremblay, il écrit des livres, il fait de la radio, il écrit des livres, il fait des séries TV. Je veux dire qu'il fait bien sa job. Ouais, c'est dommage parce que ce qu'il fait, c'est de la merde. Non. Voilà. C'est con, tu l'as écouté, mon tabarnak. Puis t'as aimé ça, tu m'en parlais tout le temps. J'ai pas aimé ça, j'ai écouté pour bâcher. Arrête, t'as-tu vu? T'as-tu vu? T'es carré avec ça. Mais tabarnak, quand t'as rendu que t'engages des Morissette pour jouer dans la séconde, c'est parce que t'en es sur on s'en calisse. On parlait des jeunes loups après ça. Tu l'as écouté ou tu l'as pas écouté? Je l'ai écouté avec recul. C'est tout ce que je veux savoir. Si tu l'écoutes, c'est peu importe si t'aimes ça ou pas. Jamais honte. Leur job est fait. Voilà. J'avance les annonces. J'écoute plus jamais aucune annonce dans rien, nulle part. Fait que c'est ça. Fait que ceux qui viendront nous voir au Arcade Montréal vendredi prochain, venez nous saluer. On va prendre une bière avec vous. Mais oui, un Probert. Un bon Probert. À chaque fan qui vient, ils disent « Hey, salut, j'écoute LSDP, on prend Probert. » Ouais. Essayez de nous saouler. Challenge accepted. Challenge accepted. Non, on met du roofies dans ton drink. Fait qu'on se revoit probablement mardi dans deux semaines pour un petit soirée du podcast express vu qu'il n'y en aura pas le vendredi. Moi, je vous vois vendredi prochain. Sinon, ben, l'autre après, on revient dans deux semaines avec l'horaire. On va être pas loin du début des séries, je pense. Yeah boy! Fait qu'on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde! Ciao!